Et je rappelle, on vous a mis un petit lien sur la page Facebook. On va bientôt courir là. Ouais. Ça va se passer, c'est le 22 juin à Paris. C'est un dimanche. On va courir pour l'association de Grégory Lemarchal avec Karima, avec Kassim. Il y aura Maxime, Ludo, notre producteur. Ludo aussi sera là. On attend encore les inscriptions de Lilou et du Doc. Et il faut nous aider parce qu'il faut qu'on collecte des fonds pour courir pour la course qui seront reversés à l'association Grégory Lemarchal qui lutte contre la mucoviscidose. Voilà, et ça me tient à cœur. Il nous faut 250 euros. C'est je crois. Minimum. Minimum. Mais voilà. Alors, c'est pour tout le pour groupe. L'équipe, en fait. Pour l'équipe, ouais. On est déjà à 210. Bah, continuez. Et le maximum de dons collectés, c'est-à-dire que même si on dépasse la somme, c'est génial parce que ça sera reversé à l'assaut de Greg Lemarchal. Voilà, voilà, donc, c'est très bien. On est super contents de s'associer à, justement à cette assos. Donc, n'hésitez pas. Un petit don. Essayez, comme le dirait le doc, hein, c'est important à préciser, c'est déductible des impôts. Oui, 60%. Donc ça c'est plutôt cool. Oui. On attend le don de Mickaël bien sûr. J'aimerais avec, bien. Avec toute l'équipe. Bonsoir Mickaël. T'es pas là? C'est ah, là, il est même pas là. Il est ah pardon, excusez-moi, vous m'appeliez? Ah bah oui, non, j'ai entendu don, le micro s'est coupé, je sais pas. On a beaucoup parlé de toi dans l'émission sans ce soir. Déconner. C'est vrai? Écoutez, on a parlé de toi, c'est un sujet très important. Ah bon, lequel? Bien sûr, j'ai dit. La fidélité. Ah bah oui. La fidélité. Enfin, ce qu'on a dit, ce qu'on a entendu, je sais pas. Hein, on a eu un Mickaël infidèle et nous on a dit que notre Mickaël l'était. Ah non, bah, ils ont pas dit fidèle, ça, ils ont oui, dit je le confirme. Pour le coup, c'est vrai. Ils ont dit le contraire. Enfin, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Après, moi, je sais ce que je vis. C'est pas très grave. Je n'ai pas de problème avec ça. Tu as toujours été fidèle, Mickaël. Toujours. Alors, il y a beaucoup qui, comme Toff et Polo, surtout Toff, qui me dit que je suis complètement con. Mais bon, voilà. Parce que c'est mais pas du coup, je compense. Hein. C'est pas les occasions qui manquent, je suis sûr. Non, c'est vrai. Mais bon, voilà. Après, c'est une question de choix. Le doc, par exemple, qui serait comme conseil à me donner, je devrais y aller ou pas? Non mais est-ce que tu sais c'est on dit la vérité ou on dit pas la vérité? Bah oui. Ah oui, d'accord. Bon, on va pas la dire ce soir. Attends, non mais tu peux, moi je m'en fous hein, mais c'est voilà pour avoir un avis extérieur. Doc, Sucé s'est trompé ou pas? Une petite pipe, ça n'engage à rien. Non, bien sûr que non. Bon, ah bon, voilà. Donc le merci, ah bah, merci Doc, j'attendais cette information depuis tellement longtemps. Venant de toi, je prends ça pour une caution morale. Voilà, le Doc qui l'a dit. Oui, le Doc a validé. Très bien, parfait. Merci beaucoup Doc. Bon bah j'ai bien fait de venir. Prie, oui. Bon bah bonne soirée à vous alors. Merci bisous, beaucoup. À demain. Salut. Allez, bonne nuit à vous. C'est ciao, parti Michael. Jusqu'à 2h du mat là maintenant. Hop là. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Et moi, je suis toute mouillée. Moi aussi, je mouille. Voilà. Bon, tu voulais faire un concours d'orgasme, toi, avant le chéri, je peux te faire cocu face à Erwan? Ouais, je crois que je peux faire mieux. Hein. Bon, alors vas-y, Erwan, là, on le fait un petit coup, là. Ah oui. Mickaël No Limit pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Exact, on est là sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Puis j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts chez vous là. Surtout que votre radio fonctionne évidemment, toujours pour écouter l'émission comme tous les soirs du lundi au jeudi, 23h-2h et le dimanche de 20h à minuit. Dégâts bien entendu dus aux orages, à la grêle, etc., etc. Parce que oui, il y a enfin quelque chose de bien le soir à la radio. Et c'est pas un petit orage et trois grêlons qui vont nous casser les couilles. J'espère que c'est clair dans l'esprit de tout le monde. Bon, Virginie. Oui. Ah, Virginie qui est de retour avec nous, Virginie. Je vous présente, ouais. Parfait. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà, Virginie, c'est donc elle qu'on traite depuis, qu'on a depuis 3 jours, pardon. C'est un peu une habitude, hein, chez Virginie. Oui, effectivement. Elle aime bien venir sur le long terme. Non, elle aime bien venir pendant longtemps, et puis on n'a plus de nouvelles pendant 6 mois, et puis paf, elle revient de nouveau. Bon, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier et dimanche, donc elle est tombée, elle s'est fait jeter à la base, elle nous avait appelé parce qu'elle avait fait l'école de police, ils l'ont pas accepté parce qu'elle est trop vieille, etc. Et entre-temps, elle nous dit... C'est ce que t'as dit. Je suis pas trop vieille, j'ai 6 ans de trop, c'est tout. Voilà, oui, t'as 6 ans de trop, donc t'es trop vieille, c'est ça. Et donc... Et sors le téléphone Virginie, de ta gorge. T'es de nouveau, t'as soit le haut-parleur ou le kit main libre, soit t'as le téléphone dans ta gorge. Non, j'ai autre chose. Non, on va pas le savoir, ça ira, c'est gentil Virginie. Comment faire? Bon, et donc du coup, tu nous avais appelé parce que tu nous disais que tu chattais avec un mec par SMS, c'est vrai. Tout ça. C'est vrai. On a essayé de l'appeler où tout s'est plutôt bien passé d'ailleurs, hein. Comme ça là. Allô? Allô? n'est pas disponible. Merde. Pour le moment. Je laisse un message, merci Virginie. Laissez un message après le conneries, Michael, non, non. S'il te plaît. À la fin de votre message, t'inquiète, tu peux me faire confiance. Si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Salut Johan, je m'appelle Michael, je suis le grand frère de Virginie. Et tu sais, avec qui tu discutes par SMS là sur le chat. Et voilà, bon, elle m'a beaucoup parlé de toi et que elle attendait quelque chose de bien de cette relation naissante. Et donc voilà, elle voulait un petit peu savoir quand est-ce que t'allais pouvoir faire les démarches, quoi. Je lui dis, alors elle le sait pas que je t'appelle, hein, parce qu'elle a pas voulu, donc j'ai pris ton numéro comme ça sur le côté. Et donc voilà. Par contre, je pense que tu peux y aller. N'hésite pas. Elle aime bien ça et voilà. Bon, grosso modo, c'est une petite coquine, quoi. Voilà. On pourrait pas te le dire, mais comme ça, tu sais. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, bah amuse-toi bien. Bon week-end. Si tu regardes le match, bah bon match. Et puis à bientôt, beau frère. Salut à toi. Hein, ciao. Voilà. Donc là, on l'avait appelé. Hein, c'était dimanche. Virginie. Oui, je suis là. Bon, depuis, on avait réessayé hier. Et tu veux nous donner des nouvelles. Est-ce que tu as eu des nouvelles? Oui. Parfait, donc tu vas nous donner des nouvelles dans quelques minutes. Tu restes avec nous? Tout à fait, oui. Parfait, reste bien là Virginie, surtout on veut absolument savoir ce qui va enfin se passer, enfin ce qui s'est enfin passé avec ce mec, Johan, si mes souvenirs sont bons. Bon, pour passer l'antenne avec nous, comme Virginie, comme tous les autres ce soir et comme d'habitude, eh ben vous composez maintenant, prenez votre téléphone, c'est un numéro qui n'est pas surtaxé, donc c'est si vous êtes avec un forfait par exemple, c'est gratuit, c'est enfin, quasiment tous les téléphones aujourd'hui, quand vous appelez ce numéro, c'est gratuit, contrairement à tous les 08, hein, 0800, 0892, 0899, bordel qui coûte un putain de bras. Donc là c'est gratos, et en plus on vous appelle derrière 01 42 48 5000. Et en Belgique c'est le même, c'est pareil au niveau du tarif 02 851 4x0. On parle ensemble de ce que vous voulez. Sandro va bien aujourd'hui là, avec la pluie, ça a été en rentrant hier soir. Ouais ça a été. Bon bah très bien. Ce matin par contre. Oui ce matin il a un peu flotté également, ouais. La Toff n'y a pas eu de soucis avec ses amis, toujours là pour le soutenir. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Voilà. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde. Je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête. Je vais te couper ta croissance, toi. Et un petit dernier. Tu viens, je t'espère. Moment au visage. Voilà. Toujours la main sur le cœur. Ah bah toujours, évidemment. On en fera d'autres tout à l'heure, des appels malveillants avec Toff. Et puis bien entendu Polo qui peut toujours compter sur ses doux, sur l'armée des doux pour l'éponger. Ouais c'est ça. Et c'est fait, donc ils pas de problème éponger, ouais. Je rappelle que les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas mué ou qui n'ont pas encore 15 ans, qui peuvent nous appeler s'ils veulent devenir doux officiels en formant le même numéro 01 42 48 5000. Et pour la Belgique 02 851 4x0. On va saluer également Johan ou Johan qui dit: je peux avoir 4 coups de pelle parce que je suis arrivé en retard. Bah je vais t'en faire un. Hop, 2, 3 et 4. Merde, sinon. Voilà. Bon, bah merci Johan. Je rappelle que vous devez envoyer vos messages avec le hashtag MIKL sur Fun pour être comptabilisé dans le top tweetos que nous ferons tout à l'heure. Si vous voulez gagner des cadeaux, il faut simplement terminer numéro 1. En gros, tweeter un maximum avec le hashtag MIKL sur Fun. Jeanne-Françoise qui dit: ça fait 2 jours que j'ai pas écouté. Quand je reviens, j'apprends que Virginie est de retour et qu'il y a un nouvel hashtag. Oui, bah oui, voilà, c'est ça. Et puis quand on aura décidé, on va le rechanger, etc. Voilà. Céline qui dit: hello la team, est-ce que vous allez bien? On va plutôt bien, Céline. Salut à toi et salut Mickaël, c'est Léna. Est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue? Ça fait 5 mois que j'écoute et dédicace à mon copain Théo Time. Et bien sûr. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Voilà, et puis on va accueillir maintenant Laura qui est avec nous, qui appelle de... Encore Laura, c'est pas vrai. Oh là là, et on comprend jamais rien quand tu fais une colle, Laura. Mais est-ce qu'elle les comprend elle-même? Oui, une facile. Mais oui, non, mais c'est pas le problème de la difficulté, c'est qu'on ne comprend pas ta colle. Ok. C'est pour ça que tu perds à chaque fois. Bon grave. Allez, recommence. Et je rappelle donc qu'il faut répondre à la colle de Laura pour pouvoir peut-être repartir avec les haut-parleurs Bluetooth qu'on vous offre toute la semaine avec la maison du GSM.com. Bon, fais péter. Alors, qu'est-ce qui fait de l'ombre de bois sans jamais y pénétrer? Voilà, j'ai rien compris. Bon, je vais donc la lire moi-même. Qu'est-ce qui fait de l'ombre dans les bois sans jamais y pénétrer? C'est ça? Ouais. Bon, dans les bois et un peu partout ailleurs, grosso modo. Vous envoyez MIKL suivi de votre réponse au 64 900 par SMS, au 63 22 depuis la Belgique. Et je vous mets la colle sur le Facebook et le Twitter aussi dans moins de 2 minutes. Il suffit simplement de taper MIKL officiel pour nous rejoindre. Je vous mets la colle, vous allez pouvoir la lire et y répondre. Et si vous êtes tiré au sort avant minuit 30, eh ben, vous repartirez peut-être avec, eh bien, cet haut-parleur Bluetooth idéal pour les vacances puisque ça fonctionne évidemment sans fil. Vous pouvez écouter de la musique si vous êtes à la plage, à la piscine, je sais pas, au camping ou même chez vous, la maison. Absolu, ça évite de devoir brancher les fils, les débrancher ensuite. Vous allumez, vous envoyez le son avec votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, et vous avez le son. Et en plus, un putain de son qui déchire. Bon, la colle de Laura, donc qu'est-ce qui fait de l'ombre dans les bois sans jamais y pénétrer? C'est bien ça? Oui. Allez, on te récupère plusieurs fois avant minuit 30, okay, et on donnera ça. La réponse tout à l'heure avant minuit 30, d'accord? Ok, ça va. Allez, bouge pas de là, Laura. On fera également le jeu, bien entendu, de la rupture ce soir. Car oui, il y aura rupture. Ah, il y aura rupture. Il y a que le maître qui dit yo la famille, la forme ou quoi? Eh ben, la forme, oui, la forme, plutôt pas mal. Devers 45, salut ma team de Gangsta. Comment ça va ce soir? Moi, tranquille. Surtout à votre écoute avec le hashtag Mickaël sur Fun et c'est un bon plan. Elliot également, c'est parti pour Mickaël sur Fun Radio. Bonsoir la team, salut Elliot et Dylan aussi. Salut la team, ça va bien, bonne soirée. Eh ben, merci pour tous vos messages. N'oubliez pas, hashtag Mickaël sur Fun pour Twitter, hein, si vous voulez balancer tous vos messages. Si vous mettez pas le hashtag, évidemment, on pourra pas comptabiliser vos messages, forcément. Ah bah, non. Hein. Oui. Bah oui, parce que ça comptabilise qu'avec le hashtag Mickaël sur Fun. Donc faites gaffe quand même. Tiens, Virginie. Oh putain, avec ta radio, par pitié. Oui. C'est dingue ça quand même. Bah non. Bah si. Va te faire enculer gros bâtard. Bon. Tu veux écouter un son particulier Virginie ce soir? Le nouveau David Guetta, ouais c'est ah vraiment... madame est connaisseuse. Ah oui. Nouveau David Guetta que vous avez découvert toute la journée sur Fun Radio. Et c'est celui-là d'ailleurs. Sur une musique de Apollo 440 en 98, lui-même qui avait repris Van Halen en 1900, il y a longtemps. C'est les années 80, je crois. Ouais, mais je sais plus exactement quand. Voilà, David Guetta avec Blast Off, qu'on écoutera tout à l'heure également. Il y aura aussi un de mes sons préférés, bien que je pense que David Guetta va passer devant dans pas longtemps, mais pour l'instant c'est toujours Avicii avec Lay Me Down. Et t'aimes bien Black M ou pas toi? Moi? Ouais. Ouais, Black M, ouais. Black M avec Sur ma route. Ouais, eh bah parfait, très bien. Bon, on l'écoutera dans quelques minutes là. Le son de Black M avec Sur ma route. Tiens. Quoi? Par contre. Non, écoute, tu sais quoi? Je ne te parlerai plus tant que tu auras ton téléphone dans ta bouche et que ça va saturer qu'on comprend rien. Non, mais par contre. Avicii, je déteste, je hais ça. C'est vrai? Eh ben, je le mettrai deux fois. Eh ben, attends, mais ça fait ta plaisir. Voilà, tiens, regarde. On va te faire enculer, gros bâtard. C'est le pourri de bâtard. Ferme ta gueule, gros bâtard. Va te faire enculer, gros bâtard. Ferme ta gueule, gros bâtard. Va te faire enculer, gros bâtard. Ferme ta gueule, gros bâtard. C'est le pourri de bâtard. Va te faire enculer, gros bâtard. Quel bâtard. Gros petit personnage. Bah voilà, tu vois, il est gros personnage. Qui c'est qui parle? C'est toi, c'est pas moi, hein? C'est pas moi, c'est pas moi. C'est ça, ouais. Ferme ta gueule, gros bâtard. Même en double, regarde. Ouais, ferme ta gueule, gros bâtard. Avec l'écho et tout, regarde. Ouais, ferme ta gueule, gros bâtard. Et rien nous fait marrer, hein. Ferme ta gueule, gros bâtard. Hein? On est bien là ou pas, là, Virginie? Rire. Ah bon? Ah bah écoute, tu rigoles avec rien, toi. Hein. Bah si, mais bon. Bon, hey, t'as vu la vidéo de Laurent Fabius? C'est qui? Non. Laurent Fabius, tu vois le pompiste? Bah tu connais Laurent Fabius, celui qui fait le plein d'essence, oui, là, sûr, à Maubeuge. Oui, bien sûr, à la station. À la station Total. À l'autoroute. Ouais, Total, à Maubeuge. Tu vois? Après la rocade. Ouais, tu vois ou pas? Tranquille, Mickaël. Non, bon, il y a Laurent Fabius qui s'endort pendant une réunion en Algérie, là. Je vais vous la mettre sur le Facebook de l'émission. Attention, Mickaël. Qu'est-ce qu'elle veut encore? C'est quoi ton problème maintenant, là, Virginie? Faut pas parler d'Algérie en mal, s'il te plaît. Mais on parle pas en mal, on parle de Laurent Fabius qui s'est endormi à une réunion qui s'est déroulée en Algérie. Qu'est-ce que j'y peux s'il est en Algérie? Il aurait pu être au Turkménistan, ils ont rien dit. Oh. Donc je demandais si vous aviez vu la vidéo de Laurent Fabius qui s'endort pendant une réunion en Algérie. Je vais donc vous les mettre sur le Facebook et le Twitter. Et puis venez nous dire si ça vous est déjà arrivé aussi de vous endormir en cours ou au taf. Moi ça m'est déjà arrivé pendant une réunion avec le sous-chef Picard Roupillon comme ça. Voilà. Moi aussi. Tu t'es déjà endormi toi ou pas Virginie pendant une réunion ou au taf ou à l'école avant? À l'école ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Tu t'es fait griller ou pas? Bah, je ne même pas, mais bon. Ah, tu t'en souviens pas? Bah oui, tu dormais forcément, t'étais dans tes rêves, c'est normal. Bon, reste avec nous, Virginie, tu vas nous raconter l'histoire avec Johan, ton mec, dans quelques minutes, là. Comme promis, le son de Black M avec dans un instant sur ma route. Gros bâtard. Voilà, Black M dans un instant donc sur Fun Radio sera sur ma route. Restez bien là, c'est Mickaël No Limit. On est ensemble jusqu'à 2h du mat comme tous les soirs de la semaine. Vous toutes et vous tous en direct et puis on aura les appels malveillants dans un quart d'heure. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Gros bâtard. une autre dimension. Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et oui, on est en direct sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Si vous arrivez, il y a Ligue 1000 Bruxelles qui dit: j'ai vu la vidéo Mickaël, je me suis endormi au bureau du proviseur. Benjamin qui dit: moi ça m'est déjà arrivé de m'endormir en cours de français. Pauline aussi qui dit: aidez-moi, c'est, j'ai peur de l'orage. Il y a encore de l'orage là? Ah, je crois que c'était fini les orages là. Ah ouais, ça dépend où ils sont. Je sais pas. Bah, ouais, y a rien. Bah, dites-nous où est-ce que vous êtes et s'il y a d'orage ou pas. Et Fredes34 il dit: ouais, ça m'est déjà arrivé de m'endormir, d'avoir envie de dormir en cours en tout cas. Et Eno la fin de radio qui dit: je me suis grave vanté aujourd'hui en disant que j'étais dans le top 5 tweetos. Ah. Eh bah, falloir terminer numéro 1 là maintenant, Enola là. Ce soir, on met le couvert. Hein. Plus tu tapes de messages avec le hashtag Mickaël sur Fun, plus tu arriveras à monter les échelons et à peut-être terminer numéro 1 ce soir. Je te le souhaite en tout cas. Il est 23h16, des appels malveillants arrive, on jouera également tout à l'heure avec le jeu de la rupture. Et puis bah, dites-nous si vous êtes déjà endormi à l'école, si vous êtes déjà endormi en réunion comme Laurent Fabius, une réunion en Algérie. Là je vous mets la vidéo sur le Facebook dans quelques secondes, facebook.com/mikaelofficiel. Allez, rejoignez-nous, on est là sur Fun Radio 23h, 2h tous les soirs de la semaine. Prévenez vos potes d'ailleurs que ça se passe sur Fun Radio dorénavant. On écoute le son de Black M sur Fun Radio, c'est Sur ma route. Bonne nuit tout le monde, bonne soirée. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui. Allez, Black M sur Fun, sur ma route. 23h, 2h. Mickaël, nos limites, sur Fun Radio. Fun Radio. Et il est 23h20, il y a Valou qui dit sur le Twitter: je me suis déjà endormi sur la table de mon kiné quand il me massait pour débloquer un air. Ouais, mais chez le kiné, c'est normal. Tu vois, t'es là, tu te fais masser, pépère, ouais, tranquille. Bon, voilà. Et puis, on te demande pas d'être attentif chez le kiné, tu vois. À la limite, c'est peut-être même mieux. Hop, tu dors, ouais, comme ça tu poses pas de questions, lui il est là, il fait son taf, il est tranquille. Il y a Elodie qui dit avec le hashtag Mickaël sur Fun: moi en faisant l'amour, j'étais trop fatigué la honte de ma vie. Oh putain, ça c'est dur quand même. Hein. Ça, c'est... Mais sache que tu fais l'amour, tu t'endors. Mais il y a un pote qui nous avait raconté, il était en train de baiser la meuf et il s'est endormi dessus. Ouais, quoi. Ouais, franchement ça c'est quand même violent. Il hein. Y a Redrack sur le Twitter qui dit: je me suis endormi en brevet blanc, j'ai eu 4. C'est déjà pas mal. Hein. Vladimir Poutine, mort de rire, je comprends pas pourquoi il s'est endormi en réunion en Algérie, car chez moi il fait tout le temps chaud. Ça donne envie de dormir. Ah, c'est vrai que la chaleur ça aide pas pour le coup au niveau de. Ouais, en plus, là, niveau il doit de faire dodo, là. Super chaud déjà là-bas. Grave, grave, grave. Bon, j'ai mis la vidéo de Laurent Fabius qui s'endort sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre sur Facebook ainsi que sur Twitter. Et puis bah vous allez pouvoir voir. Et du coup, je vous ai demandé aussi si ça vous était déjà arrivé de vous endormir pendant les cours, pendant un rendez-vous, pendant vous faisiez l'amour. Bah justement, tiens, pourquoi pas. Dites-nous, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Dans 10 minutes, nous ferons les appels malveillant avec un très bon sujet sur lequel je suis tombé. Ah, ah oui, on en parlera dans quelques minutes. Avant ça, on va récupérer Virginie. Virginie, oh là, son téléphone. Oui. Ah, cette fois-ci, elle a compris la leçon. Là, c'est bien. Elle a coupé le téléphone, enfin la radio directement. Bon, Virginie. Alors, tu nous avais donc appelé hier par rapport à ce mec avec qui tu discutais, que vous vous draguiez mutuellement. T'étais contente parce que t'avais tué sa femme. Donc du coup, elle était plus un obstacle c'est pour toi. Tu dis là, c'est faux. Quoi, c'est pas ça? Elle a pas dit ça, c'est faux. Attends, moi je comprends pas. Elle a dit elle a disparu. Elle a disparu, elle est morte, tant mieux pour moi. C'est pas vrai. Ah bon, mais alors je comprends pas. Mais bien sûr, c'est. Attends, mais c'est quand même ça. Étant donné qu'il a un boulot assez difficile, il a une vie de famille, c'est-à-dire il a deux enfants à charge. Voilà. Mais il est marié? Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Malheureusement. La femme est décédée. Tu vois, tu l'as dit. C'est pas vrai. Attends, je veux dire, tu l'as dit, c'est pas moi. Putain, merde. Oh là là, putain. Non, mais. C'est dingue. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui là? Est-ce qu'il t'a rappelé? On l'a appelé, on lui a laissé deux messages sur son répondeur hier et avant-hier. Ouais, je sais bien, ouais. Oui, bon, bah alors qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il a dit que c'était gentil le message répondeur que je lui avais laissé. Ah oui, c'est vrai qu'après, t'avais laissé encore un message par-dessus. Hein. Non. Bah si, on l'avait appelé, et puis après on l'avait rappelé, et c'est toi qui avais parlé. Oui, c'est lui là que je parle. Oui, bah oui. Voilà, et donc il était content, tu lui avais sa message, très bien, et alors? Tout à fait. Et puis voilà. Mais voilà quoi, c'est tout, ça en est resté là? Bah, j'en dirai pas plus, voilà. Ah si, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah explique en moins en deux mots, que les auditeurs sachent, ça fait deux jours qu'on suit le feuilleton là. Le feuilleton, bah... Bah, ouais. Bah oui, attends, quand même. Allez, vas-y. Mo Beuge. Mo Beuge. Et Virginie l'impitoyable. C'est JR Virginie. Non, c'est Souhélène. Alors pour ceux qui ne voient pas Souhélène, c'est celle qui a la picole facile. Le mauvais. Et Virginie qui cherche Johan. Johan va-t-il avant. Merde, va-t-il succomber à Virginie? Et Amandine aussi. Ah oui. Amandine va-t-elle réussir à choper Johan? Allez, solo, allez. Top à la trompette. Bon, allez, allez, allez, allez. Bon, Amandine. Non, je vous l'avais laissé tranquille, Amandine. Je vous ai demandé de la laisser tranquille. Bon, alors, Virginie, alors qu'est-ce qui s'est passé avec, avec Johan? Toujours pour le moment d'échanger ses messes, voilà. Bon, écoute, allez, dis-le-moi, ça reste entre toi et moi. Mais non, Mickaël, avec toi, c'est pas possible de me rassurer. Mais si! Mais attends, non, ça reste tu entre... Tu peux tout nous dire. Ça reste entre toi et moi. Ah ouais, bien sûr, c'est... Non. Non, mais si! Non. Mais si, attends, tu veux que je te reprenne hors antenne? Mais non, t'as la radio, t'as qu'à allumer la radio. Mais tu sais quoi? Allume la radio, tu vas entendre la radio, et moi je te prends hors antenne, et tu verras que je passe pas, tu verras qu'on passe pas. Mais non, attends, passe-la moi. Attends. Allez, attendez, Mickaël va au standard, moi Sandra. Virginie, calme-toi, j'explique ce qui se passe là en ce moment. Toff est en train de se gratter le nez. Voilà. Virginie, calme-toi. Là, il y a Mickaël qui te prend au téléphone, là, Virginie. Virginie, tu l'entends ou pas? Virginie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc Mickaël est au téléphone avec Virginie. Il est en train d'essayer de... Il est au standard et il essaie de la manipuler et de prendre des informations. Donc, c'est pour ça que Mickaël n'est pas là pour le moment. Et là, il lui demande si Johan avait envie de le pécho. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours sur Fun Radio. Mickaël est en reportage. Il est sur le terrain. Pour vous. Il est en reportage. C'est ça, il va au péril de sa vie. Ouais. Ah, parce qu'il voulait lui casser les patins. Il voulait te casser les patins arrière. Écoutez non. Ça, voilà. Là, on est en direct live du standard. Ouais. Et vous entendez comme ça bosse dur. C'est ça. Ouais. Parce qu'à part Mickaël, il n'y a personne qui parle. Eh ben très bien, eh ben voilà, donc c'est cassage de patte arrière alors. Bon, elle s'est fait démonter alors ou pas? Je te remets à l'antenne. C'est ça qu'il faut savoir. Arrête de gueuler. Virginie, t'es à l'antenne là. Voilà, donc information hyper méga importante. Il est 23h26, Fun Radio, l'info n'attend pas, Mickaël, en direct. Et donc effectivement, il y a eu apparemment cassage de patte arrière à suivre. Non, c'est faux, il y a rien. Attends, mais c'est ce que rien, tu m'as dit, Virginie, je suis un menteur? Non, tout à fait. Ah bon? Tout à fait, oui. Ah d'accord. Alors, je suis un menteur? Tout à fait, oui. Très bien, eh ben écoute, alors si c'est comme ça que tu le prends, bah très bien, Virginie. Bon, tu m'obliges à rappeler Johan, là. Allez, on y va. Ah non, putain, c'est pas vrai. Virginie. Non, bon, mais alors... arrêtez, là, putain de chiotte. Ok, qu'est-ce qu'il a dit alors? Mais ça me regarde pas, voilà, c'est tout en bas. Mais si, mais juste un petit, une petite info, quoi, une toute petite info. Mais hein. Non, mais les gens veulent savoir. Il y a Vladimir Poutine qui dit cassage de patte arrière pour Virginie sur le Twitter de l'émission. Et il t'a pris comment alors? Non, mais arrêtez, là. Le vrai tout, missionnaire. En tout cas, les auditeurs sont contents, hein. Bah tant mieux, ça peut leur faire du bien, tant mieux. Bah oui, Virginie. Et tu l'as sucé un peu ou pas? Oh mais non, mais... Non, mais... Non, c'est Amandine. Ah oui, c'est Amandine qui suce, ouais, c'est vrai, pardon, je confonds. Bordel de zut. Ça, c'est pas mal, ça aussi. Bon, on appelle Johan ou pas? Allez, on y va. Bah, je sais pas, moi, c'est pour... C'est toi qui parles? Oui. Bon, d'accord, ok. Bon, ok, allez, vas-y, on l'appelle. Je te mets à l'amende tout de suite, Mickaël. Hein. T'inquiète, tu peux me faire confiance. À l'amende combien? T'as que tes donuts, t'as le bitrut, j'irai même pas voir. T'inquiète. Pas compris. Oui, d'accord, il y a Misty qui dit Mickaël sur Fun devient confession d'intime. C'est un peu ça. Je vais me faire démonter, moi. Alors? Ça va être le rapporteur. C'est ouf, ce mec il décroche jamais. Non, jamais. C'est professionnel. N'est pas disponible. C'est professionnel, il a un truc comme ça là, de film au début. Tapez le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Ouais, Johan, excuse-moi d'être embêté, mais bon. Non, mais la grosse certitude est à l'arrière. En vérité, c'est Mickaël No Limite de Fun Radio. Et j'aurais voulu te parler en direct, comme si tu avais dit que tu parlais en direct, mais bon, t'as un travail assez hard, alors moi je comprends, c'est clair. Mais fais pas attention à ce qu'il dit Mickaël, il est complètement grillé de la tête, il est retourné, et puis voilà quoi. Dans tous les cas, c'est un homme super génial, et impressionnant, et pouvoir par la suite. Voilà. Allez, bisous. Et des enfants. Le cirque Maubeuge. Bon, ferme ta gueule, gros bâtard. Le cirque gros bâtard. Voilà, le cirque gros bâtard s'est arrêté à Maubeuge. Bon, représentation tous les soirs. Bon, du coup, on sait pas ce qui s'est passé là. Les auditeurs veulent savoir là. Tout le monde est là en haleine là. Toute la France, toute la Belgique, toute la population française et belge est là en train de baver. Le Canada, l'Algérie, le Canada, la Suisse évidemment, le Luxembourg, bref, tous les pays francophones. Allez, il y a Guillaume qui dit juste une petite info, please, Virginie. Non. Allez, fais pas ta Virginie. Hein. Hey, Virginie, tu sais quoi ? Fais comme si on n'était pas là. Voilà. Tu parles comme ça et paf, tu balances une info et tu dis, tu t'en vas. Et tu dis et comme si de rien n'était, voilà. On revient à la conversation. Et promis, on dira pas que ça vient de toi. Allez, c'est vrai, sérieusement. Eh oui ! Ouais, c'est ça, ouais. Allez ! Ouais, c'est ça, ouais. Allez ! Mais ouais, c'est ça, ouais. Une petite info. Une toute petite info. Bon, attends, quoi. Réponds par le ciel est rose si c'est oui, et si c'est non, tu dis il va pleuvoir. Mais t'as pas moyen, Mickaël, on tire pas les verres du nez comme ça, moi. Mais non, mais justement, t'as bien compris, hein. Le ciel est rose si c'est oui, et il va pleuvoir on si c'est non. Pas les verres du nez. Est-ce que vous allez vous voir? Est-ce que vous allez vous voir? Peut-être, ouais. Ah, bah voilà, tu vois, on te demande une info, bah on l'a maintenant. Bon, bah parfait. Bon, on te rappelle demain pour avoir des infos. Oh putain, vous avez cassé les couilles en cours. Non, mais sérieux. Voilà, bon, à demain, Virginie, hein. Ouais, depuis à cheval ou à voiture, comme tu veux, Mickaël, parce que. Oh là là. Je vais te casser les couilles. Oh, Virginie, bon, allez, à demain, là. Oh là là, Virginie. Allez, salut, Virginie, hein. Moi aussi, je vous aime. Oui, moi, bah nous aussi on t'aime. Salut Virginie. Moi aussi je vous aime. Oui, bah nous aussi on t'aime. Salut vous Virginie. Aussi, allez Virginie. Bon, bah voilà, ça se passe. C'est plutôt une bonne affaire, une affaire. Mais ouais, roule. C'est une affaire qui roule. Bah voilà, c'est impeccable. Il va y avoir du démontage de fion. Ah, je pense. Il y a Valou qui dit je veux dire à mon chéri que je suis accro à lui. Merci Fun, vous déchirez tout autant. Bah c'est gentil, Valou. Gros bisous à toi. Camille de Troyes qui dit salut l'équipe, je passe mon bac pro demain. Bah bonne chance à toi, Camille. Et Angel également sur le Twitter. Oui, aujourd'hui je me suis endormi en contrôle d'espagnol. Ouais, mais c'est de l'espagnol. Ouais, c'est ça grave. Intéresse personne. Tant ça. Que tu sais dire corones, c'est le principal. Et Berdad, voilà, ça c'est bon aussi. Et puis la siesta, etc. Voilà, tout va bien quoi. Bon, je savais pas quoi faire pour les appels malveillants. J'ai eu une idée tout d'un coup tout à l'heure. Appel malveillant de ce soir. Et ben du coup, en regardant sur le net tout à l'heure dans le bureau, je suis tombé sur un article du œuf, qui dit que les femmes doivent dormir nues pour 5 raisons. 1, ça évite les infections. 2, le sommeil est de meilleure qualité. 3, elles ont de plus beaux cheveux et une peau plus jeune. 4, elles se sentiront mieux dans leur peau. Et 5, le sexe sera meilleur. Un peu parfait. Bah écoute, voilà. Donc du coup, je propose que t'appelles des amis. Mais allons-y. Dans quelques minutes. Bah une seconde. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Voilà, afin de leur poser ces genres de questions et avoir de bonnes réponses. Je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Voilà, donc moralité, si vous avez des numéros de téléphone à proposer à Tof, d'amis ou d'ennemis, évidemment, toph@funradio.fr, envoyez-les maintenant et on les appelle juste le temps d'écouter le son d'Avicii, Lay Me Down sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limite, on est là jusqu'à 2h. Merci d'écouter Fun. Le son d'Avicii sur Fun Radio, c'était Lay Me Down. 23h, 2h. Mickaël No Limite sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, il est 23h37. Il y a Marie qui dit coucou mes loulous. Mickaël, tu m'aimes bien, Tof. Casse-loucheur, c'est quoi ça? Va chier, Tof. Donc, Mickaël, tu peux mettre We Are One de Pitbull et Gillo. Bien sûr, pas de problème, je le mettrai tout à l'heure. Le son de Pitbull avec We Are One avec grand plaisir. Il y a Maeva aussi qui dit moi ça m'est arrivé vendredi de m'endormir en anglais. La prof m'a niqué mais j'ai fait croire que c'était parce que j'étais malade. Ouais, bonne idée tiens. Et Corentin qui dit Toff le guimauve. Qu'est-ce qui se passe avec Toff là? T'as fait encore un truc sur internet ou Nim kiff, c'est tout. Ouais, t'as raison. Ouais. Bon, on va se faire dans quelques minutes le magnifique jeu de la rupture. C'est Amélie et Seb qui vont jouer avec nous dans quelques secondes. Et puis avant ça, bah, les premiers appels malveillants, bien entendu. C'est parti. Je rappelle donc qu'on est tombé sur une info qui disait que bah, les femmes doivent dormir nues pour 5 raisons. Ça évite les infections, le sommeil est de meilleure qualité. Elles auraient de plus beaux cheveux et une peau plus jeune. Elles se sentiront mieux dans leur peau et le sexe sera meilleur. Donc on va appeler des gens hein, grâce au numéro que les auditeurs envoient sur le mail de Toff, comme d'hab. D'ailleurs, faites le toph@funradio.fr et bah, on va vérifier. Ben oui, allons-y. Allez, bah, c'est parti. On y va, c'est parti, 23h38, sur Fun Radio. Allez, ça décroche pas, cette heure-ci. On sait tout encore. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous dormiez nu, madame. Et ça vous regarde ? Bah oui, c'est pour ça que je vous appelle, madame. Non, bah visiblement ça ne te regarde pas. Bah si, on va c'est donc... pour ça que j'appelle. Bah oui, mais bon, du coup, on va la rappeler. Allez hop, c'est reparti, on y retourne. T'as envie de l'appeler, elle peut pas, t'es au bout de la maison là. Allô ? Oui, bonsoir madame. Non, je vous appelle parce qu'on a été coupé. Et alors, c'est moi qui ai raccroché. Bah oui, mais ça se fait pas madame. Bah et alors ? Bah et alors quoi ? Je me demande si j'ai dormi. Tiens, t'as l'appareil, là, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Toff, monsieur. Mais je vous emmerde, moi. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur ? Oh, c'est con, il venait à peine de commencer à chauffer, là, on rappelle. Bah, attendez, oui. Je vais pas. Hop là, c'est reparti. Ah, il venait à peine de s'allumer, de démarrer, là. On était à peine à point. Allô ? Oui, je m'excuse, monsieur, mais pourquoi vous me dites ça ? Vous allez arrêter vos conneries ou quoi, vous ? Mais c'est pas une connerie, monsieur, je vous appelle pour vous poser une question. Et de quel droit vous posez des questions ? Bah monsieur, depuis quand on n'a pas le droit de poser des questions ? Mais moi je vous emmerde ! Mais ça se fait pas monsieur ! Mais je vous emmerde ! Mais non monsieur, enfin ça se dit pas ! Mais de quel droit ? Vous voulez que j'appelle le commissariat non ? Mais pourquoi vous voulez appeler le commissariat monsieur, je comprends pas ! Mais pourquoi vous me téléphonez ? Mais pour savoir si votre femme dort nue monsieur ! Mais espèce de con ! Ah non monsieur, non, je peux pas vous laisser dire ça ! Ouais bah moi je vous emmerde ! Mais ça se fait pas monsieur, enfin ! Soyez un peu correct ! Oui, correct. Je vous aurais sous la main, vous verriez. Mais je verrais quoi, monsieur ? Oui, ben, vous prendriez ma main sur la gueule. Mais enfin, monsieur, en plus, vous êtes violent ? Oui, je suis violent. Mais pas de ça. Et vous avez qu'à venir chez moi, vous allez prendre un coup de fusil, vous allez voir. Mais enfin, monsieur, mais... Mais y a pas de monsieur, vous m'emmerdez ! Mais enfin, pas de ça entre nous, monsieur. Un point, c'est tout ! Mais non, enfin, calmez-vous. Ah, il a raccroché. Bon, bah tant pis. Hein. Ah, il était un peu énervé. Bon, il avait l'air un peu énervé, effectivement. Victor qui dit orage de dingue et pluie qui se transforme en grêlon à 3 dans le 10. Ah putain, moi je pensais que c'était terminé, tiens. Et alors, on parlait du fait que vous soyez peut-être endormi comme Laurent Fabius en Algérie là pendant une réunion. Moi je me suis endormi en plein prélit les doigts dedans. Ah, classe. Ah, ça c'est pas mal ça. Love Fun Funny qui dit je dors presque toujours en maths. En même temps, j'ai besoin de sommeil, je suis une douce. Ah oui, alors évidemment, là tu es tout excusé, évidemment. Et Jeanne-François sur le Twitter encore, je me suis déjà endormi en cours en écrivant. Quand je me suis réveillé, tout le monde était mort de rire, je dormais le stylo à la main. Encore quand tu ronfles et tout, c'est bien. Christophe aussi, moi souvent endormi en anglais, mais le prof préfère me voir dormir, c'était plus calme en classe. Oui, c'est vrai qu'il y en a aussi qui font peut-être parfois un petit peu trop de bruit. On va jouer avec Amélie, avec Seb. Salut Amélie, salut Seb. Salut. Comment ça va Amélie de Nancy ? Bien et toi ? Eh ben plutôt pas mal, tranquillement même. Et Seb de Sarlat en Dordogne. Salut Seb. Salut Michel. T'es en forme ? Enfin vous êtes en forme même ? Ouais, tranquille. Très bien. Avant de faire le jeu de la rupture, vous êtes déjà endormi en cours ou au travail ? Oui, plusieurs fois. Ouais. Nancy, jamais ? Nancy. Amélie, pardon, de Nancy. ouais, bah oui, tout le temps. Ah, tout le temps, d'accord, ok. Et Seb ? Ah oui, souvent au boulot. Ah ouais. D'accord, ok. Donc on a deux élèves modèles quoi avec nous. Deux bonnes marmottes. Deux marmottes, c'est parfait. Bon, qui va commencer pour le jeu de la rupture, Amélie ou Seb ? Bah, honneur aux filles. Honneur aux filles, on va commencer par toi, Seb. Allez, c'est parti. On y va. Il y a le, bah oui, il y a le haut-parleur Bluetooth à gagner ce soir. Seb, le principe est simple. Amélie, écoute bien parce que ce sera la même règle pour toi. On va donc appeler quelqu'un au hasard maintenant. On ne sait pas si ce sera un garçon, une fille, un jeune, un vieux. On ne sait pas du tout. Et tu vas devoir avoir avec lui une conversation de rupture. Comme si tu cassais avec ton copain ou ta copine. Et donc, le but, tenir le plus longtemps possible avant de se faire raccrocher au nez. D'accord? Seb? Oui. Ah, je disais, d'accord? Ouais. Parfait. On y va, on l'appelle. Dès que tu entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô et c'est parti, ok? D'accord. Allez, bonne chance, Seb. Merci. N'est pas attribué. Merde. Oui. Et tu auras droit à deux appels, comme Amélie d'ailleurs. Et on retiendra évidemment le meilleur des deux scores sur les deux appels, ça tombe sous le sens. Allez, bonne chance, Seb, on y va. Allô? Oui? Oui, mon amour. Pardon? Oui, ça va ma chérie? Pardon? Oui, je t'appelle parce qu'en fait j'ai un truc à t'annoncer, c'est pas facile par téléphone, mais bon, tant pis. Bah écoute, tu sais, samedi soir j'étais parti en boîte et j'ai rencontré une autre fille en fait. Ah bon? Ouais, donc du coup, bah... Pas mal ça, c'est pas mal. Donc du coup, bah voilà, donc du coup c'est fini entre nous quoi. Donc bon, me raccroche pas au nez, ça sert à rien, on va discuter un peu... C'est pas la peine quoi. Mais c'est à qui parlez-vous? Ben à toi. Et moi c'est qui? Ben ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Ah bon? Tu dois bien savoir à qui je parle. Ah non, je connais pas, mais j'aurais bien aimé savoir qui c'était. Ben ça fait 5 ans qu'on est ensemble ma chérie. Mais du coup là ça c'est fini quoi. Ah d'accord, moi. Donc voilà quoi, c'est. Bon c'est compliqué, elle s'appelle Amélie. Donc du coup, ben voilà. Il a pu s'y prendre dans d'amis. Le bâtard. Oui, elle est très jolie, oui. Jolie, bah. Comparé à toi, quoi. Ok, bah c'est très bien pour donc, toi. Bon. Donc je suis désolé, mais m'en veux pas trop. J'espère qu'on pourra rester amis. Top. 1:06, pas mal, Seb. Bonjour, bien, et pas mal, vraiment. Non, si, ouais, bon scénario. Ah, beau scénario ouais, et tout, ça change d'habitude. Amélie, à ton tour, 1:06, score à battre. On fera la deuxième manche, évidemment, juste après la pub, d'accord? Et merci d'avoir dit que j'étais jolie. Eh bah écoute, il a pas vu, mais il s'en doute. En même temps, Annoncy, toutes les filles sont belles. Hein. Mais ouais, elles sont magnifiques, c'est vrai en plus. Bon, allez, on y retourne, Amélie. Ok. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô et c'est parti. Allez. Ah, ça ne décroche pas, c'est dommage. Bon attends, on appelle un autre. Ok. C'est parti, on y retourne. Espérons que ça décroche cette fois-ci. Oh la galère. Ah là là, j'ai pas de chance. Bah non, ça commence mal là, Mini. Bienvenue sur la boîte vocale. Oh, attends, on appelle encore un autre, Amélie. Là. Putain, troisième appel, dis donc. Allez. Oh là là. Bah putain. Josiane Lapoisse. Bah, c'est pareil avec ces mecs. Grave. Allez, on appelle encore un autre. Oh là là. Sans déconner, quoi. Bah il est tard. Bah non mais bon quand même. C'est un truc de ouf. Non. Alors c'est moi qui fais de la merde, je vais raccrocher au nez pour une fois qu'il y en a un qui décroche. Merde. Bah oui mais alors. Bah oui c'est ma faute. Allô. Alléluia. Allô. Allô. Oui, allô. Est-ce que je te dérange là ou pas? C'est qui? Oh, putain, c'est moi, écoute, c'est... En fait, tu peux juste m'accorder 5 minutes, s'il te plaît. C'est qui? Oh, la meuf derrière. Allô. Allô. C'est qui? Bah, c'est moi, écoute, j'ai besoin de te parler. Je peux avoir 5 minutes, s'il te plaît? Mais c'est qui? C'est allô qui? C'est qui? Bah, c'est moi, Ophélie. Elle veut me parler. C'est qui? C'est moi, Amélie. écoute. Ah, non, non, stop. Ah oh, putain, ça fait combien ça? 32 secondes je crois. Ouais, trentaine. Bon, 32, bah bouge pas, c'est pas grave. Tu vas retenter ta chance juste après. Pareil aussi pour toi, Seb. Restez là, c'est Mickaël No Limit. Et puis on va revenir avec la deuxième manche juste après ça sur Fun Radio. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à nous. Mickaël No Limit, tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, il est 23h52 sur Fun Radio, il y a Benjamin qui dit j'ai rêvé de ce moment et aussi que j'allais l'écrire. Ben voilà, Benjamin. Elliot sur le Twitter avec le hashtag et Mickaël sur Fun qui dit appelle ton banquier avec le son de 10€ et... Ah, c'est drôle ça, 10€. C'est ah, la vanne de Toff qu'il n'a pas fait hier. C'est vrai, il a pas osé. Xavier ouais. qui dit à Auxerre, il y a de l'orage. Ah bon, d'accord, ok, bah je savais pas. Bah bonne chance à tous ceux qui prennent l'orage sur la tranche. Nous, c'était hier soir. Charles qui dit moi, c'est en français que je dors et je demande à mes potes de me réveiller. Ouais, Brandon, demain BEP et moi, j'ai rien trouvé de mieux que de venir écouter Fun Radio. Je révise pas. Bah fais les deux en même temps, comme ça t'es tranquille. Yena aussi qui dit trop content de vous retrouver. Eh ben on est content aussi, même si j'ai écorché ton prénom. Et puis Fred S34 qui dit bonsoir tout le monde en forme pour une soirée là jusqu'à 2h du mat. Il y a Guillaume aussi, content de vous retrouver ce soir. Je vous écoute jusqu'à 2h du mat, j'ai pas cours demain. Cool, eh ben profites-en bien. Il y a Maëva aussi, aujourd'hui j'ai eu mon conseil de classe et je passe en 3ème. Ça mérite un bon message de bienvenue et des félicitations. Bravo Maëva. Eh ben voilà, on va te le mettre là, petit message de bienvenue. Attends, je vais t'en mettre un petit là, sympa là. Eh ça va tranquille, vous avez déjà fini le cours 10 juin, pardon. Ça va Pépère. La vie est plutôt pas mal. Va te faire enculer, parce que t'es mort, va te faire enculer. Bah voilà, tout simplement. Avant de faire la suite du jeu de la rupture, on va quand même prendre Nathan qui est avec nous de Marseille là. Salut Nathan de Marseille. Ouais, salut. Comment tu vas? Salut Kev. Pas très bien. Très bien ou pas très bien? Ça va très très bien. Ah, c'est parce que tu sais qu'on viendra le dimanche 22 juin en direct de Marseille et que tu vas venir nous voir, j'espère. Oui, bah c'est exactement juste la veille de mon anniversaire. Et t'as vu un peu. C'est un beau cadeau. Hein. Ça veut dire qu'à minuit pile, si tu restes avec nous, paf, on fêtera l'anniversaire en même temps dans les studios de Fun à Marseille. On va être bien. Exactement. On bah, va j'y étais ce matin. Pas mal. En plus, bah, qu'est-ce que t'es faire là? Eddie, tu vois qui c'est, Eddie? Bah oui. Et bah en fait j'avais une rencontre professionnelle avec mon lycée et je suis allé voir. Ouais. Ah bah tranquille, bah écoute, c'est parfait. Dédicace en même temps si. Et bah voilà, bah, on l'embrasse aussi évidemment. Et puis je rappelle donc qu'on sera donc dimanche 22 juin, on fera l'émission en direct des studios de Fun à Marseille. C'est sur le Vieux-Port, hein. Face au Vieux-Port, vous pouvez pas le rater, il y a un gros logo Fun Radio en plus, donc vous pouvez pas le rater non plus. Et puis bah vous allez pouvoir venir pendant toute l'émission. On va être tous ensemble pendant les 4 heures. Juste avant, on fera des conneries aussi sur le Vieux-Port. Et puis on fera aussi la dernière ligne droite du gainage. Oui. Qu'on a raté hier, hein, faut le savoir. Pourtant on en a parlé 100 fois, mais bon, ce soir on va se rattraper. Du gainage, donc l'espèce de truc pour avoir le ventre plat, là, le défi 30 jours qui traîne sur Facebook depuis 2 semaines là. Et donc on va essayer de. Enfin on va le refaire ce soir et puis on fera la finale dimanche avec vous toutes et vous tous sur le Vieux-Port à Marseille. Donc je compte sur vous dimanche 22 juin, on sera tous là. Bon attends, alors qu'est-ce qui t'est. Ah oui, toi tu t'endors, tu t'es déjà endormi où toi? Chez le dentiste pendant le. Ah, tu t'endors chez le dentiste. Comment tu peux t'endormir chez le dentiste? C'est-à-dire que le mec, toi, tu t'endors alors que le gars, il est en train de te démonter les dents, là. Ouais, exactement, ouais. Avec la fraise et toi, tu t'endors? Non, il n'y avait pas la fraise. En fait, je crois que c'était un détartrage. Ah, ben quand même, attends, un détartrage, ça dépend, mais. Quand il prend le crochet, il te le met entre les dents et il tire. Ah, putain, j'ai l'impression. C'est horrible. Ah, j'ai toujours l'impression qu'il m'arrache la mâchoire, ouais, ouais, ouais. Mais après, ouais, c'est, si t'as pas été depuis longtemps et qu'il y a beaucoup de tartre, évidemment, ça fait un peu plus mal. Mais si t'as un entretien régulier, c'est vrai que tu sens pas grand chose. Mais ça reste quand même malgré tout, le mec il chipote dans ta bouche, quoi. C'est bizarre que tu te sois endormi quand même chez le dentiste, hein. Bah, je suis sorti d'une petite soirée en fait. C'était le matin tôt et. Ah oui, t'étais bourrasse. Non, quand même pas. Bon, enfin, pas loin, quoi. T'avais un petit verre, non? Il y avait les Roland, voilà. Tu vois, quand il a ouvert la bouche. Voilà. Le dentiste l'a fait, oula, la soirée était longue. La soirée fut bonne, apparemment. Bon, attends, il y a Corentin aussi qui est avec toute Bretagne. Ah bah, c'est totalement l'opposé de toi, Nathan, à Marseille. Ça va, Corentin? Salut. T'es en forme? Ouais, en forme, ça. Bon, tant mieux. Alors, tu t'es endormi où, toi, déjà? En cours de français. Cours de français. Ok. Ouais. Et tu t'es fait griller par la prof? Bah, en fait, c'était en 5ème, je crois, ou en 6ème, je sais plus. Et moi, j'étais au tout premier rang. Et ouais. Genre, je me suis endormi et tout. Et au début, je dis, Corentin. Et j'entendais pas, quoi, vu que je dormais. Et là, quand elle prend les grandes règles jaunes qui font 1 mètre, peut-être. Ah ouais, et voilà. Paf, sur la table. Et genre, elle arrive. Elle fait, Corentin, en gueulant. Et moi, je fais, même quoi. Et bam, elle donne un gros coup sur la table à côté. Et j'ai flippé. Ça, c'est drôle, ça. Ouais, j'ai une prof, moi j'ai une prof qui me l'avait faite et j'étais pas endormi, mais tu sais, je rêvais assez, j'en avais rien à foutre de son cours et elle a gueulé mon nom, mais je crois que j'ai fait un bond d'un mètre au-dessus de ma chaise, quoi. Elle a dit quoi, Christophe? Ouais. Ah ouais. Elle a pas dit Toff? Non. Ah non, ouais, c'est pour ça que t'as été perturbé. Ouais. Bah oui, c'est pour ça qu'il aime plus son prénom maintenant. C'est ça, c'est pour ça, depuis je peux plus, je supporte plus. Ouais. Tu vois, ça, dès qu'on dit mon vrai prénom, après j'ai quoi, problème de cœur et ouais, ouais. C'est ça, j'ai le cœur qui palpite. Bah, t'aimes pas Christophe? Non. Bah c'est beau? Non, c'est moche. C'est moi, j'aurais rêvé de m'appeler Christophe. Et bah écoute, si tu veux, je te le donne. C'est grave. Bah voilà, échangez vos prénoms, tiens, c'est parfait. Tiens, demain, on ira à la mairie, on échangera nos prénoms. Moi, le pire truc là, c'était quand je m'asseyais, ce que je faisais tout le temps, à côté de la fenêtre et donc du chauffage. En été, bah, je regardais dehors ce qui se passait, etc. Et puis en hiver, avec le chauffage, ça m'endormait, quoi. Moi, je me suis endormi ici même, là, dans ce studio. En fait, une fois, j'étais malade. Ouais. Et je prenais des cachetons. C'est vrai. Tu sais, tu prends des cachets, des fois, ça te fracasse. Et paf. Et tout d'un coup, j'entends. Non mais je m'endors comme ça et je me réveille, je vois Toff qui me regarde comme ça, je dis waouh. Bah ouais, c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah tu t'es endormi pendant 3 heures. Et puis après encore une fois, non mais c'est par phase, tu sais, paf. Et puis je regarde et je voyais Sandro juste en face de moi, je dis mais... Et là tu t'es réveillé, tu dis bon, tu as le cauchemar. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'on me réveille. Tu sais, c'est les médicaments des fois, ah, que ouais, ça te démontre. Il y avait peut-être les médocs, c'est vrai. Bah Corentin, et donc du coup tu t'as sursauté, j'imagine. Et une fois encore d'été, je me suis une flûte dans la chatte. Non, je... Ah, c'est drôle ça. T'es arrivé à en jouer ou pas? Bah c'est ça, bien sûr qu'il a joué. Bon bah Corentin et Nathan, bah merci à vous d'être passé, en tout cas d'avoir appelé, vous revenez quand vous voulez. Ok, ça va, très bien, merci. Hein. Salut Nathan, et à dimanche 22 juin, je compte sur toi, viens avec tes potes. Hein. Ouais, je serai là, je serai là. Bon, ça roule, ça marche. Salut à toi Nathan, bye bye. Ouais, Corentin. Allez, ciao. Ciao. Je te fais un petit dédice. Eh ben, vas-y, bien sûr, à une personne, choisis la bonne. Allez, dédie à Guillaume. Très bien, eh ben on l'embrasse, y'a pas de problème. Salut à toi Corentin, ciao. Salut Corentin, ciao. Bon, on va faire la suite maintenant de ce magnifique jeu de la rupture. Amélie, qui est donc de Nancy, qui a fait 32 secondes. Seb, qui appelle de Dordogne, qui a fait 1 minute 06. Et donc, nous allons tenter notre chance. Enfin, vous allez retenter votre chance. Seb. Ouais. On y va, on y retourne. Allez. Le score à battre, 1 minute 06. Donc, hein, pour te conforter ta place de leader. On y va? D'accord. Allez, ouais, c'est parti. Let's go. Je l'ai. Bouge pas Amélie, hein. Donc dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. Hein. Ouais. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est à mon cœur. Comment? Oui, je t'appelle parce qu'en fait, samedi soir, je suis parti en boîte. Mais vous trompez de numéro, monsieur? Non, non, je me trompe pas de numéro, c'est bien à toi que je parle. Mais certainement pas. Ah si, je t'assure, hein, c'est que en fait samedi soir je suis allé en boîte et du coup j'ai rencontré une autre fille. Oui mais moi je connais pas tout ça par conséquent. Ah si mais moi c'est à toi que je parle. Hein. Je parle à toi, raccroche pas s'il te plaît, c'est pas facile. C'est fini entre nous. C'est fini, je te quitte, voilà. C'est pas facile, c'est un peu lâche de faire ça par téléphone, mais bon. Ça ne me va pas du tout. J'ai 88 ans, alors c'est sûrement pas votre copine. Mais putain, je suis pas content, c'est bien ton numéro, c'est bien toi. Ah non, c'est pas mon numéro. Non, ça c'est pas. En tous les cas, au bout du numéro, il n'y a pas la copine. Alors que je parlais. Il n'y a pas la copine au bout du numéro. Il n'y a pas ta fille ou ta petite fille? Ah non, il n'y a personne. Il aurait pu jouer à Alzheimer. C'est sûr, je ne me souviens plus. Non. C'est bien son numéro. Ben oui, mais quelqu'un a donné mon numéro, mais c'était pas ça. C'était quelqu'un qui vous a trompé. Mais pourtant, c'est bien ton numéro hein, que Non, que non, vous avez été trompé. Et alors là le temps est en train de couler, donc je vais pouvoir commencer à repérer où vous êtes. Mais la personne, je suis à Paris, moi, madame. Oui, Mignonne. À Paris, oui. Voilà. Vous voulez l'adresse? Oui, il veut pas donner l'adresse de la radio, ce bâtard. Oui, alors c'est 18. Ah non, ça va. Rue Bellegarde. Ah, rue Bellegarde. Il donne vraiment son adresse. A R. Mais je sais écrire, monsieur. Oui, donc c'est 7506. Oui. À Paris, CEDEX. Voilà, et ben ça, je peux très bien y croire ou ne pas y croire, étant donné que je ne crois pas du tout votre laïus. Voilà, mais comme de toute façon, je ne dormais pas, ça m'est égal. Oui, mais bon, sinon, on peut quand même discuter. Ben, tout dépend de ce que vous avez à dire. Si c'est quelque chose d'intéressant, moi, je ne demande pas mieux. Mais qu'est-ce qui vous intéresse? Beaucoup de choses. Ben, oh, putain, on est parti jusqu'à demain. D'abord, vous n'avez pas à me tutoyer, étant donné que vous ne me connaissez pas. Mais pourtant, on a couché ensemble tout à l'heure encore. Ah ben, ça, alors là, vous êtes malade. Complètement malade. Ben non, je vais très bien, je suis en pleine santé. Vous avec une vieille dame de 88 ans, alors là, je dis que vous êtes malade. Ah non. Il y a des mecs qui peut-être pas, avec ta petite fille alors. Ah ben non, ma petite fille, j'en ai pas. Ah, ben ta fille alors. Ben ma fille, j'en ai pas non plus. Ah, ah bon. Alors voilà, j'ai que des garçons, alors je crois pas que vous ayez couché avec des garçons. Non, ben non. Ben non, c'est dommage, mais c'est comme ça, voilà. Ouais. Donc, ah bah, c'est une grande oh là là, bon alors c'est fini sa conversation là, 3 minutes quand même. Hein. Je vous serai très reconnaissant de bien vouloir barrer le numéro de téléphone que vous D'accord. avez. Bon ben dans tous les cas c'est fini entre nous, hein. on peut plus continuer à se voir comme ça, c'est fini. Vous êtes malade, pauvre ami. Mais non, je suis en très bonne santé, c'est madame. Dommage, vous auriez eu quelque chose d'intéressant à dire, on aurait pu faire une vraie conversation. Sans aucun but, ça n'améliore pas la vie, ça ne rend pas les choses plus intelligentes, ça ne vous apporte rien. Moi, j'ai pas besoin qu'on m'apporte quelque chose, j'ai déjà tout. Mais vous avez quelque chose. Ça, vous avez de la chance de tout avoir, madame. Ben, c'est pas de la chance, c'est un peu de philosophie, un peu d'amour dans la vie. Voilà. Mais vous, vous avez l'air de savoir ce que vous voulez. Comment? Mais si, moi, on est ensemble. Il va nous faire, on va pas y aller là. Non, pas du tout, pas du tout. C'est une grande erreur. Allez, au revoir, madame, dites-lui au revoir. Comme quelqu'un qui n'a pas de cerveau, alors ça, c'est grave. Bah, on a 4 minutes, cerveau, madame, sinon je ne peux pas vous parler. Ah bah oui, mais c'est un cerveau très primaire, puisque vous répétez toujours la même phrase. Elle est énorme. Alors, dites-moi une autre phrase, dites-moi quelque chose d'intelligent. Dites-moi ce qui vous passionne dans la vie, par exemple. Oh putain, on est parti jusqu'à demain, là. Mais ce qui me passionne, le cinéma, la télé, l'informatique. Oh non. Tout ce que vous connaissez, l'informatique, quand même. Oui, oui. Donc, l'informatique. Vous faites quelque chose avec de l'informatique. Oui, je travaille sur un ordinateur, madame. Ah bon, qu'est-ce que vous faites sur un ordinateur? Plein de choses. C'est-à-dire, vous avez un site, vous avez un blog, vous avez quoi? Informatique, madame, je répare des ordinateurs. Ah, oh là là, 4 minutes 40, hein. Bon, je crois que je sais pas ce qu'on va faire, mais un disque, on va les reprendre. Bah, je pense qu'on va mettre un disque, ouais. Mais oui. Je crois qu'on va mettre un disque. Tout à fait. Alors, vous réparez des ordinateurs. Oh putain, bon, on met un disque, les mecs. Oui. Bon, on met un disque, on met le compteur. Voilà, on met le disque et puis on revient juste après. Je pense que c'est encore le meilleur. Oh putain, on est parti. Bon, à tout à l'heure. Ouais, je suis en boîte, je danse, je bois. Heureusement, ils n'entendent pas ça. Ah bon, voilà. Quel extraordinaire. Bon, j'enlèverai le Kiesa au besoin. Dans la bière ou je ne sais quoi, vous allez vous noyer dans la fumée. C'est sans intérêt, mon pauvre ami. Moi, j'ai fait ça à l'âge de 14 ans, de 15 ans, et j'en suis sorti. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 20 ans, madame. 20 ans? Ah ben, c'est ça. Ben voilà, c'est que vous êtes tout jeune. Oui. Alors, vous en sortirez aussi, ça sera très bien. Vous vous souviendrez de notre conversation et vous vous direz, ah oui, elle avait raison, là. Bon, c'est fini entre nous, quoi. Au revoir. Au revoir. Ouais, bah voilà, bah donc. Oh là là là là là là là. Bon, désolé pour les fans de Kiesa, je le remettrai, vous inquiétez pas. Ça nous a fait 6 minutes 50, hein, putain. Pas mal, pas mal. Oh là là là là là là là là. Tu nous as bien tombé. T'es bien tombé. Ah bah oui, grave. Oui, là, j'ai eu de la chance. Bah oui, là, je te confirme. Par contre, tu es un imbécile, tu n'as rien dans le cerveau. Elle est géniale. Il n'empêche, elle était très sympa, la mamie, là, quand même. 88 ans, dis donc, elle ne les faisait pas, hein, pour le coup, là. Non. Oui, dis-moi, Amélie. Mais ça marche quand même, vu qu'il ne parlait pas de rupture à la fin. C'est pas faux. Ouais, mais dans l'absolu, si, c'était une rupture, puisqu'il l'a encore conclu à la fin. C'est vrai qu'il avait conclu. Mais bon, oui, attends, elle lui a fait la morale. Elle lui a fait la morale, c'est vrai. Cela dit, Amélie, je te propose deux choses. Trois même. Soit t'abandonnes, tu déclares forfait et on passe à autre chose. Soit on appelle quelqu'un d'autre au hasard. Soit, et c'est mon petit bonus, on rappelle la première personne qu'on a appelée. Pourquoi? Je t'explique. Comme tu étais tombé sur le monsieur et il y a eu sa meuf derrière qui a commencé à gueuler, machin, etc. Il y a eu une petite embrouille. Je pense que tu peux scorer avec ça. Ouais. Je pense, parce que tu sais, c'était embrouille machin. Donc si t'arrives à t'immiscer au milieu en foutant le bordel, à mon avis tu peux faire un bon score. Bon, je te garantis pas que tu fasses 6 minutes 40, mais au moins tu peux partir à la tête haute. Ouais, mais quand même, en même temps, il y a eu au moins 3 minutes où il n'y avait pas de rupture dedans. Oui, mais enfin, c'est dans la conversation, Améline. Ne sois pas mauvaise joueuse, Améline. Oui, c'est ça. Il est arrivé, il a dit, ouais, on va se quitter. Elle a dit non. Après, elle lui a fait la morale. Il n'y peut rien. Voilà, en disant que c'était un petit con, etc., etc. Mais voilà, c'était dans la conversation. Il n'y a pas eu. C'est pas comme le je t'emmerde où on doit placer les je t'emmerde. Là, la conversation de base était basée justement sur la rupture. Il n'est pas arrivé en disant bonjour, on s'est rencontré au supermarché, ça va, je peux te draguer. Là, effectivement, on aurait pu accéder à ta demande. Là, en l'occurrence, malheureusement, je suis obligé de la rejeter. Ouais, le comité s'est réuni. Voilà, le comité s'est réuni. Bon, qu'est-ce que tu choisis parmi mes trois propositions, Amélie ? La dernière. La dernière, on rappelle le même couple ? Parfait. Ouais. Allez, ah, oh, j'adore, t'as choisi la meilleure proposition. C'est celle que j'espérais que tu choisisses. Amélie, si tu te débrouilles bien, tu peux faire un truc pas mal. Ah ouais, parce que les deux, ils sont bouillants. Si t'arrives à jouer sur les deux plans, alors là. Alors là, t'es au top. On y va, on rappelle. Ouais. Allez, c'est parti. Tu peux nous faire un quart d'heure, là. Ah ouais, là, tu peux nous faire un quart d'heure. Allez, dès qu'il n'y a plus de musique, tu dis allô. Hein. Je suis pas doué pour ça. Mais si, vas-y, Amélie, sois bonne. J'ai confiance. Oui, allô. Ouais, salut. Oui, pourquoi tu m'as raccroché au nez tout à l'heure? C'est qui? C'est Amélie. C'est qui Amélie? Bah c'est ta meuf. Bah en fait je veux juste te dire que je vais te quitter, mais je t'en supplie, raccroche pas parce que ça me fait mal de te quitter en fait. Allô? Allô? Ah ça y est, la mère. Allô? La meuf. Oui. Oui. C'est qui? Bah c'est toi, t'es qui? Bah je suis Amélie. Vas-y, c'est une blague. Mais non, c'est pas une blague, non, mais j'étais en train de parler à mon copain, là. J'étais en train de dire que je voulais quitter parce que, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Du coup, moi, je me plaisais pas avec lui, du coup, je voulais le quitter, c'est tout. D'accord, ok. Écoute, tes petites blagues, tu les fais pas à minuit comme ça, parce que nous, on aimerait bien se coucher. Arrête, il y a été la fond de balle derrière. Je suis sérieuse. Mais j'ai envie de lui parler. Il faut que je lui dise ce que j'ai au fond du cœur parce que sinon je vais me sentir mal et tout. Il faut vraiment que je lui dise parce que ça va me perturber sinon. Ok, nous rappelle pas. J'en ai que pour 5 minutes, ça va non, pas non, durer. Ne rappelle pas, s'il te plaît, parce qu'on va vraiment s'énerver là. Alors on va rappeler. Hein. Juste deux minutes, je t'en supplie, il faut juste que je lui parle. Je t'en supplie, il faut juste que je lui parle 5 minutes, pas plus, promis. Après je ne t'embête plus. Non mais c'est trop marrant. Je sais pas si il y a marrant. Non, non, non, non. Merde, elle a raccroché, c'est pas grave. Ah là là. Non, non, attends, 1:30, elle a dit ne raccroche pas. J'invente une nouvelle règle. Quand la personne dit ne rappelle pas, on peut rappeler et on ajoute le timing du deuxième appel au premier. C'est ça. Oh, c'est le mec qui invente les règles juste parce qu'il a envie de savoir ce qui va se passer la suite. Les règles sont là. Il y a de l'engueulade en fait. Voilà, c'est ça, exactement, ouais. Mais t'inquiète pas, tu peux y aller comme une bourrine parce qu'on les appellera après pour dire que c'était la radio, pour pas casser le couple. Non plus. On rappelle. Ouais. Vas-y Amélie, sois bonne. Oui, d'accord. Allez. Écoute-moi bien, espèce de gros bâtard. Passe-moi mon mec, je te dirai. Ouais. Ouais, allô. Ouais. Ouais, mais pourquoi tu me passes la meuf à côté de toi? Moi, j'ai envie de te parler à toi. Parce que je t'aime plus. T'es une connasse. Mais non, mais faut pas que c'est moi qui est censé te quitter. Ah bah écoute, bah on fait ça comme ça. Ah oui mais non mais vas-y là, c'est parce que tu t'es trouvé l'autre pute d'à côté là. Ah exactement, ouais. Elle est pas mal. Et c'est qui le pute? C'est quoi son nom là? Allez, ferme ta gueule. C'est quoi son nom? Oh merde. Parce que 1 minute 32 plus 30 secondes, ça ne fait malheureusement que 2 minutes 02. Ce qui, cela dit au passage, est un bon score dans l'absolu. Hein. Ouais. C'est juste que là, Seb, il nous a foutu la merde avec son score de merde de 6 minutes 40, là. Et bravo Seb. Ouais, bravo. Ah oui, franchement, bravo. Hein. Ah oui, non, là, quand même, tous les honneurs. Tous les honneurs. Pour dire que c'est la radio ou pas? Oui, on va les rappeler. Bah, Tof, tu veux les appeler pour faire un petit appel malveillant? En même temps, une pierre deux coups et après... On rappelle quoi, le 1? Ah bah le 1, oui, bien sûr. Allez, vas-y, on rappelle Attends, attends, bougez pas. On va dire à la fin que c'est la radio. Oui, oui, bon, on va leur dire, évidemment. Oui. Attends, bouge pas. Elle est contente. Ah oui. Ah, donc c'est Amélie. Tais-toi, Amélie, hein, on te dira quand tu peux le dire. D'accord. Allô? Ah, bah c'était rapide. Hein. Bon, bah ils veulent pas savoir. Attends, ouais, on rappelle. Ils ne veulent pas savoir que c'est la radio, donc bon, écoute, rappelons encore une fois. Hein. Bon, s'ils raccrochent encore une fois au nez, là, on pourra rien faire. Hein. Avec la meilleure volonté du monde, là. Allez. Allô? Oui, allô? Allô? Allô, monsieur? Non, c'est mort. Mais dès décroché le téléphone, il l'a laissé sur le côté. Bon bah tant pis, on saura pas. Enfin, ils ne sauront pas plutôt. Tant pis pour eux. On voulait annoncer une bonne nouvelle. Et bah voilà, tu vois. Ouais. Tiens, on veut amener la bonne parole et bah on les gens on nous laisse pas parler. On nous laisse pas parler. C'est une honte. Bravo Seb, en tout cas, tu repars avec les haut-parleurs Bluetooth. Félicitations. Et puis bah Mali, malheureusement, tu repars avec toute notre estime. Ouais. T'as été bien. T'as été bien, t'as été bonne Amélie, figure-toi. Oh, j'ai pas gagné pour autant. C'est vrai, mais t'as quand même été bonne malgré tout. Tu repars la tête haute et c'est le principal. Combien mesures-tu Amélie? Oh, il est relou. 1m69. Combien pèses-tu? Oh, ça, c'est ma taille préférée. Combien pèses-tu Amélie? 58 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95D. D comme Denise. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ah oui. Bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est, elle est. Oui, bon, évidemment, ça confond. À chaque fois que vous mettez la musique là, je l'ai pendant toute la journée dans la tête. Oh. Ah, toi aussi, décidément. Bon, bah écoute, voilà, Amélie, hein, la musique est là, en même temps, en ancienne. Hein. Ah oui, c'est ce que je te dise. Oh, cette vie. Bon, bah salut Amélie, salut Seb, gros bisous à vous deux, en tout cas, merci d'avoir joué avec nous. À bientôt. Salut, équipe, salut. Salut. Salut, bye. Ciao, à bientôt. Bon, on va récupérer Laura également, là, en speed, là, maintenant, pour la colle. Là, t'es toujours là, Laura? Oui, oui. Allez, fais péter la colle pour gagner également les haut-parleurs Bluetooth. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui fait de l'ombre dans le bois sans jamais y pénétrer? Bon, je vais le répéter parce que c'est un peu de mal, hein, comme vous avez pu le remarquer. Qu'est-ce qui fait de l'ombre dans les bois sans jamais y pénétrer? Vous avez la réponse, tant mieux. Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 par SMS ou alors sur le Facebook, tapez Mickaël officiel et puis vous allez voir la colle et vous allez pouvoir y répondre. Il y a Fred qui proposait un nuage, Laura. Non. Une feuille de Mickaël. Non. Il y a Cédric qui proposait ma belle-mère. Non. Val qui proposait un arbre. Non. Une grotte pour Mélinda. Non. La lune pour Lola. Non. Les oiseaux pour Alexis. Non. L'écorce pour Kevin. Non. Un pain parasol pour Monique. Non. C'est pas ça. Bon, le bah, petit chaperon rouge. Voilà, si vous avez la réponse, allez-y jouer. On donne la réponse dans un gros quart d'heure. Laura, tu restes avec nous. Surtout, tu ne bouges pas. Il y a Jeanne-Françoise qui avait envoyé aussi un message qui dit « Ah, c'était bien marrant la rupture ce soir. » Oui, il était drôle hein, avec le hashtag Mickaël sur Fun, sur le Twitter hein, pour vous balancer vos messages. Sur SMS et sur Facebook, ça fonctionne aussi. Benjamin qui dit « Mort de rire, vous me tuez. » Nadia qui dit « J'espère toujours avoir la pêche à 88 ans et toujours être auditrice fidèle de Mickaël de limite et vous serez là. Je ne peux pas le garantir à 88 ans. En tout cas, Cédric qui dit mort de rire trop fort. Ness qui dit Grassel. Il est en train de. Il a battu le record du monde hein, de jeu de la rupture à 6 minutes 40. Je pense qu'on peut le dire. Abdou également, un jeu de la rupture complètement what the fuck. Et puis Mathieu qui dit je suis le numéro 104. Je suis sur la N104, pardon. Direction Marne-la-Vallée. Et il y a énormément d'éclairs. Ah ouais, donc il y en a quand même pas mal ici. Hein, ouais, théorie, on va encore avoir un petit orage. Ouais. On va quand même envoyer Toff dehors afin de vérifier si on ne dit pas de la merde depuis tout à l'heure. Bien sûr. Et qu'il y a bien des orages quand même malgré tout. Bon, on va prendre Andy qui est avec nous de Assis dans l'Aisne. Salut Andy. Salut. Comment ça va? Debout. Bah moi ça va bien. Bon, très bien. Et bah t'es hindou toi hein? Comment? T'es hindou? Non, je suis pas encore hindou, non. Non mais t'es hindou dans le sens où t'es pas hindou officiel, mais t'es hindou tout court. Ah ouais, je suis hindou tout court. Ah ouais, là, ouais. Tu devrais pas être couché à cette heure-là? Ouais, tu devrais pas dormir à cette heure-ci là, dis-moi. Oh alors. Hein? Non, franchement, je non. Tu veux qu'on appelle tes parents là pour Non, c'est bon. Non, vous me redonnez la forme, donc j'ai pas envie d'aller me coucher. Donc. Ah bah d'accord. Tu commences à quelle heure demain là? Demain je commence à 8h30, mais rien à foutre. D'accord, t'es un rebelle, t'as raison toi. Ouais. Toi tu te la ramènes un peu toi. Ouais. Voilà. Puis de toute façon, vous pouvez appeler chez moi, j'en ai rien à foutre, ma mère elle sait que je dors pas. Oh là là là là. Et puis mon père il travaille sur une barge de transport en Afrique, donc lui. Ah ouais, donc lui il est loin là pour le coup, effectivement. Sur quoi? Sur une barge de transport, il travaille sur. C'est quoi une barge de transport? Bon, enfin, je veux dire une plateforme, oui, une barge de transport, c'est un truc pétrole, en fait. Ah, c'est un peu comme une. Parce que moi, je pensais qu'il avait un canoë et il ramasse. Les riches. C'est ça. Non, Andy, tu voulais réagir par rapport à où est-ce que tu t'es déjà endormi? Alors moi, je me suis endormi dans 3 cours différents à l'école. Pas mal. Mais ça, forcément, si tu vas te coucher à 2h du matin, tu m'étonnes. Non, mais j'ai des problèmes en ce moment avec le sommeil, mais bon. Ah, d'accord, ok, c'est les problèmes d'argent. Non, parce que tu vas donner à manger à tes enfants. Ouais, c'est ça, ouais. Non, des problèmes de sommeil. Oui, c'est normal, t'as des problèmes de sommeil puisque tu ne dois pas dormir, c'est logique. Tu dors pas, espèce de petit con. Non, voilà, mais sale doux. Même quand j'essaie de dormir, je me couche très tard. Enfin, bref. Même quand j'essaie de dormir, je me couche très tard. Il y a une bonne technique si tu veux récupérer ton sommeil, c'est tu dors pas pendant 24 heures. Non, mais ne fais pas ça. Mais non. Ouais, plus dors, pour moi, oui, si ça 12 ans. Ça marche super bien. On me réveille à 13 heures le lendemain, c'est mort. Oui, en plus. Bon, oui, alors oui, du coup, ça, tu t'es endormi dans quel cours? Alors moi, je me suis endormi en anglais pendant l'heure non-stop, donc j'ai raté au final 4 exercices et j'ai eu un mot dans le carnet en prime. Eh ben, bien fait. Merci. Ta mère était fière de toi au moins. Bah ouais, en latin, je me suis endormie toute l'heure aussi, j'ai raté toute la leçon. D'accord. Avec en prime la prof qui s'est rendu compte de rien. Ou en même temps, le latin, c'est une langue morte, hein, comme Toff. Ouais, c'est de la merde. Voilà. Et puis là où je me suis tapé le plus les ronds, c'était en étude où là, j'ai dormi toute l'heure aussi. Et là, il y a une surveillante qui est venue pour nous annoncer que notre classe n'avait pas cours le lendemain. J'étais endormie, du coup, j'étais pas au courant. Et le lendemain, je suis venue quand même et je me suis tapé toute la matinée d'études. Ah, quand je disais que c'était con, Hindou. Oui, bah c'est oui. Vrai. Eh ben voilà, on a la preuve là, voilà, on a la preuve avec beau. Andy là. Ça a cette fraîcheur que les plus de 15 ans ne peuvent pas comprendre. Exactement, exactement. Ouais. Ah bon, Andy, tu veux devenir doux officiel tant que t'es là? Ouais, vas-y. Bon, allez, vas-y. Andy, tu veux rentrer dans la grande armée des doux? Ouais, je veux. Et moi, je rappelle que les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas mué ou qui n'ont pas encore 15 ans. C'est vrai. Ah bah écoute. Ah là, t'as les deux, toi, t'as la doublette. Cesse de parler, sale doux. Tu veux rentrer dans la grande armée des doux? Moi qui suis le grand maître à contester des doux, je peux accéder à ta demande. Mets-toi à genoux, Andy. C'est fait. Insulte-toi. Je suis un connard. Encore. Je suis un gros PV. Encore. Je suis un enculé. Très bien, est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite? Ouais. Tape-toi sur la tête, Andy. Voilà. Encore, plus encore, fort, encore. Dis donc. Encore. Voilà. Encore. Je lui ai raccroché dans rien exprès. Vas-y. Du coup, ça me fait ça. Bon, Andy, tu es officiellement doux, bravo. Ouais. Voilà. Eh bien, entendu, ça sera le rebelle, le doux rebelle. Le doux rebelle, ah, exactement. Bah oui. Voilà, c'est sûr. Bon, ben Andy, n'oublie pas que dorénavant, tu as de lourdes charges sur tes épaules puisque tu dois prévenir tous ceux que tu connais qu'il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio. Mickaël No Limite sur Fun Radio, 23h, évidemment. Tu dois porter la bonne parole. Ouais, et le dimanche, 20h minuit. Je compte sur toi, Andy. Hein. Ok. Allez, je te fais un dédicace. Eh ben, même deux, même, puisque tu es un doux officiel. Ok, d'accord. Alors, déjà, je fais une dédicace à toute ma famille et ensuite, je fais une dédicace à tous ceux du collège de Villeneuve-Saint-Germain qui m'écoutent. Très bien. Et j'espère qu'ils seront nombreux et s'ils ne sont pas nombreux qu'ils le seront dès demain grâce à toi évidemment. Ok, d'accord, pas de problème. Allez, pas salut Saldou. Allez, salut. Ciao à toi Andy. Bon, on va prendre Aude dans quelques minutes de Vitel. Il y aura Anthony également qui va nous parler de quoi. Anthony, salut Anthony. Ouais, salut Mickaël. Ça va? Ça va et toi? Très bien. On va parler de quoi dans un instant avec toi Anthony? Bah, d'une maison hantée que j'ai visité avec plusieurs personnes. Ouais. Et t'as eu peur? Ouais, voilà. Bon, eh ben bouge pas de là, on va en parler, reste là Anthony. On aura Flavien, on aura Pauline, on aura le gagnant ou la gagnante aussi de la colle de Laura. Et normalement on devrait récupérer Jean-François ce soir. C'est ce que j'avais promis hier en fin d'émission, on l'avait eu en fin d'émission. Il y a Brian qui dit vous êtes énorme, Loïc qui dit bah merci Brian. Continuez comme ça, on vous suit jusqu'à 2h du mat, vous déchirez. Merci Loïc et Clément, spécial dédicace à tous ceux qui passent le bac demain. Bah tous ceux qui ont des examens dans l'absolu, hein, n'importe lesquels, bonne chance à vous toutes et à vous tous. Évidemment, les teubés de la télé, c'est dans quelques minutes sur Fun Radio. Bah le temps d'écouter le son de Pitbull au cœur de la nuit sans pub. On est en mode tranquille sur Fun Radio, Pitbull, c'est We Are One. Merde, j'ai poussé sur le mauvais bouton. Je m'en mets une là. Hop là. Parce que je mérite de toute façon, voilà. Je la remets. Ouais. Non, c'était juste pour vous donner un petit coup, une petite envie comme ça. Ouais, bah bon, un petit extrait quoi. Regarde, ouais, j'en remets. Là je coupe. Je remets. Là je coupe. Là il coupe. Et là j'en remets. Put your flags up in the sky. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limite que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, minuit 25, il y a Adrien qui dit je me suis déjà endormi au cinéma, ma copine était à côté. Elle rigolait avec tous les gens autour, je ronflais pendant le film. C'était la période où je travaillais de nuit jusqu'à 3-4 heures au KFC. Je reprenais mon deuxième travail à 6h, j'étais donc fatigué. Ah bah oui, m'étonne, effectivement Adrien. Ouais. Love Fun Funny qui dit moi en CM2 je dormais et ma prof a gueulé ah ouais va dehors tout de suite. Oui, du coup, forcément, c'est scandaleux hein, de te faire déplacer pendant que t'es à moitié endormi. Tu risques l'accident, tu risques de tomber, c'est scandaleux. Nitral également sur le Twitter. Mickaël, ah là là, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Ah bah, t'écouterais des émissions de merde. Ouais, probablement, en l'occurrence, surtout, je vais rien dire. Marie qui dit, je me suis endormi sur les chiottes et il ferme les portes à clé, du coup, j'étais coincé, la honte, grave. Et Guillaume Mico qui dit, salut l'équipe, je suis bien présent comme prévu avec le petit frère Alex. On attend l'appel de Jean-François. Eh ben écoute, j'espère qu'on va l'avoir dans quelques minutes, Jean-François, donc reste bien là. On l'avait eu hier, Guillaume, justement, avec Alex, là. Yousri qui dit, j'adore réviser avec vous. Bah, j'espère que les notes seront aussi bonnes, Yousri. Et puis Eno la fin de radio qui dit, ma soeur m'avait promis d'écouter Mickaël actuellement, elle dort, je vais la tuer à coup de pelle, un coup de pelle pour elle. Eh ben écoute, avec plaisir. Voilà, petit coup de pelle. Appelle-nous et on va la réveiller. Ah bah oui, si tu veux, ouais, tu peux nous appeler 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0 et on la réveillera évidemment avec grand plaisir. On est un peu à la bourre à cause du jeu de la rupture qui fut légèrement plus long que d'habitude. Oui, c'est vrai. Ah, on a un peu débordé même. Et donc là, on va faire les teubés de la télé avant de faire les derniers. Enfin, les derniers. On est à la moitié seulement. Avant de faire les appels malveillants. Quand une ex Miss France essaye de faire l'interview d'un pilote de course auto, ben ça passe pas toujours super bien. Est-ce qu'il y avait une pression supplémentaire? Est-ce que vous discutiez avec vos ingénieurs et tout pour savoir quelle était la meilleure ouverture? Oui, bien sûr, on a vachement le temps de discuter, vous croyez quoi? Non mais. Je m'informe, je découvre encore le WTCC. Je vais vous poser une petite question. Vous qui avez dit que je faisais beaucoup d'erreurs depuis le début de la saison, vous avez trouvé ma course comment? Elle était bien ou pas? Elle était parfaite. Ah non, je me permettrai pas de vous dire que vous faites beaucoup d'erreurs. Pour réfléchir avant de dire les choses. Très bien, je garde ça en tête. Merci. Et paf, voilà, ça c'est... Allez, prends ça dans ta gueule. Ah, ça c'est clair. Dans l'amour et dans le pré, il y a des agriculteurs, il y a des vaches, mais il y a aussi un petit peu de sexe. J'ai adoré un peu le début, c'est qu'il était franchement très sympa, mais sauf qu'après, il me dit que pour lui, le sexe c'est 75% de... du couple. C'est-à-dire qu'il me fiche la paix que quand j'ai mes règles, quoi. Oh, le rire de merde, l'horreur. Et puis dans Money Drop, on ne sait plus qui est le comique entre Arnaud de sa mère et Roselyne Bachelot. Hein, Est-ce qui vous déplaît le plus? Tu choisis, moi j'ai aucune personnalité. Ça peut être aussi monumental. Puis les hommes sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus forts que nous. Alors donc, on va aller écouter lui. Allez, je rappelle que c'est moi l'humoriste, hein, c'est pas... Eh oui, mais là, visiblement, ça s'est pas entendu. Hein, mais comme quoi les politiciens ont beaucoup d'humour. Exactement, sont comiques. Bon, Adrien qui dit, salut l'équipe, je me suis déjà endormi chez le tatoueur, j'aurais pas dû prendre rendez-vous le lendemain d'une soirée arrosée, sinon vous déchirez, continuez comme ça. Note, c'est gentil Adrien, note c'est pas plus mal. Au moins, comme ça, t'es tranquille, le tatouage se fait, comme ça, fait un peu mal. T'as pas la sensation après que ça gratte et tout. Bah voilà. Bon, on devrait voir Jean-François dans quelques minutes. On devrait évidemment. Avant ça, on prend Aude qui est avec nous de Vittel dans les Vosges. Salut Aude. Salut. Comment tu vas? Ça va, parce qu'il fait un peu chaud quand on a de l'orage dans les Vosges. Ah toi aussi, bah ouais, il y a de l'orage partout a priori. Hein, donc faites attention, je savais pas qu'il y en avait encore à Paris, qu'il y en avait encore. Et à Paris non plus, mais apparemment il y en a aussi dans le 7-7. Ouais. Non, je voulais savoir s'il était bonne l'Aude de Vittel. L'autre de Vittel, ouais, d'accord, ok, très bien. Bah évidemment qu'elle est bonne, c'est la meilleure. Évidemment, Aude. Oh, mais regarde pas comme ça, toi. Bon, Aude. Alors, regarde de désespoir. Tu t'es déjà endormi où, toi, Aude? En cours en CM2 et bêtement à cheval. À cheval? Mais comment tu peux dormir à cheval? Attends, t'étais sur ton cheval, et puis à un moment comme ça, il était en train de galoper, et puis tout d'un coup, tu t'endors. Qu'est-ce qui t'a réveillé? Son hennissement, ou c'était quoi? Je sais plus, je crois que c'est la monitrice qui m'a réveillé. Mais attends, mais tu t'es pas cassé la gueule? Non. Donc tu t'endors comme ça, toi? Bah non, parce qu'en fait, j'avais une sinusite et j'avais été chez le médecin le matin, il m'avait donné des traitements, j'avais dormi tout l'après-midi. Et l'après-midi, après, j'avais plus trop mal, donc du coup, j'y suis allée. Je monte sur le cheval, je fais ma reprise de dressage et tout. Et puis le cheval, il commence à se mettre au petit galop et tout. Et là, pouf, plus personne. Putain, c'est un truc de ouf. Dingue, qu'est-ce que j'aimerais, moi, m'endormir partout? Enfin, pas partout, mais je veux dire, pouvoir avoir la capacité de dormir partout, ce que je n'arrive pas à faire, puisque moi, si je suis pas allongé, j'arrive pas à dormir. Ou alors, si j'ai les yeux fermés, mais je dors pas, quoi, c'est impossible. Quand je vois, quand on prend l'avion, par exemple, c'est impossible de dormir, c'est mort. Ah ouais, ça dépend, moi, ça dépend. Si je suis vraiment bien fatigué, je peux arriver à dormir à peu près n'importe où. Ah non, quand je vois Polo, lui-même debout, parfois il marche, il dort en marchant. Alors, je vois simplement qu'il dort parce qu'il ronfle. Et là, on abuse pas, mais c'est vrai que Non, je peux dormir par terre, n'importe où. Moi, dès que j'ai envie de dormir, je dors. Bah, moi aussi, je peux dormir par terre, mais il faut que je sois couché. Non, ah mais je peux pas dormir debout. Non, je peux dormir comme ça par exemple. Ouais. Voilà, ouais, il est assis là avec la tête qui tombe un peu sur ça, le côté. Je peux le faire, mais c'est quand je suis vraiment fatigué. Mais je peux pas dormir debout. Non mais c'était pas pour parler, mais j'ai un pote également là, parfois il est assis et il a sa tête qui dort. Il a sa tête qui tombe et puis tout d'un coup, bah, il tombe et il dort et il continue à dormir et sa tête est complètement tombée vers l'avant comme s'il n'y avait plus aucun muscle. Ouais, tu piques du nez comme ça. C'est un truc de dingue. Putain, moi j'arrive. Ça m'a fait pareil à cheval quoi en fait. Ah bah ouais, j'imagine. Ouais. Moi quand la tête tombe, ça me réveille. Je me suis endormi à cheval. Je me suis endormi à cheval. Non bah j'espère bien. Ouais. Mais moi aussi ça peut. Enfin oui, quand ça m'arrive, ça m'est arrivé deux fois. Ça me réveille aussi. Et du coup ça je dors pas longtemps mais et ça tire dans la nuque quoi. Moi une fois j'étais à Rio. Non en vacances. Il se ramène. Ça y est, il se ramène. Et en fait, il a été voir la Coupe du Monde, mais il est arrivé l'année dernière en avance. Non, il y a longtemps. Et en fait, j'avais pris des. J'avais une allergie, je suis spécialiste des allergies. Il a pris de la cocaïne ? Non. Ah, pardon. Et on m'avait donné des cachetons. Et je ne pouvais pas m'en empêcher. Et un jour, je me retrouve à une espèce de. Le soir, on était en train de boire avec des potes et tout, et on était plein. Et je passais mon temps à piquer du nez, à me réveiller. Je voyais, il y avait un mec qui parlait, il a parlé non-stop et je dormais. Et je me réveillais, mais non-stop, c'est une horreur. Quelle horreur. On se foutait de ma gueule, mais je pouvais pas m'empêcher. Ah, moi j'aimerais bien pouvoir m'endormir comme ça, mais c'est pas possible. Surtout quand tu pars avec des gens qui arrivent à dormir. Tu sais, tu prends l'avion, tu fais un long voyage. Toi, évidemment, t'arrives pas à dormir. Les autres, ils roupillent, ils arrivent là-bas. Bon, bah toi, forcément, t'es mort. Et les mecs sont en pleine forme. Bon, bah putain, t'as pas dormi ? Bah non. Je connais quelqu'un, elle s'est endormie. Donc, avant de décoller, elle s'endort, elle se réveille, on arrive à la porte d'embarquement. Oh, c'est et elle ça. S'est pas réveillée oh, du bien, voyage. Ça. Ça, c'est-à-dire bon. Qu'elle a même. Elle a fait putain, on est toujours pas parti. Bah si, en fait, on est arrivé là, si tu veux. Ça fait 8 heures ça, là. C'est cool ça. Donc on vient d'arriver là. Ah bon ? Ah bon ? Ah bah, je me suis rendu compte d'heure. Mais ça, c'est un truc de ouf parce que ça veut dire que vraiment tu t'endors. T'es à Paris, tu te réveilles, t'es à New York et tu t'en es pas rendu compte du tout. Du décollage, d'atterrissage, du vol, de tout quoi. Putain, ça c'est quand même de la folie. Hein. Moi j'arrive pas. Hein. Benji Spears sur le Twitter qui dit moi je me suis endormi en boîte. Ça, oh putain, chaud, alors là. En plus de pas arriver à m'endormir quand je suis pas couché, je n'arrive évidemment pas à m'endormir quand il y a le moindre bruit qui est autour de moi. Évidemment. Pour l'instant, chez moi, il y a des travaux, c'est-à-dire qu'ils sont en train de refaire la façade de l'immeuble d'à côté. Donc il y a marteau piqueur, tout le merdier. C'est-à-dire qu'à 7h57 ce matin, je me suis réveillé. Et c'est comme ça tous les matins. Et oui. Sachant que je vais dormir à 3h30. Ah bah j'ai le même problème avec les mecs qui s'occupent du toit chez moi. Ah bah voilà, très bien. C'est 8h pétantes, ils sont là. Oui, c'est ça, ils ont commencé avec 3 minutes d'avance. Quand tu dis ça, tu parles de ton psychiatre qui s'occupe de ta tête ? Tout à fait, oui, c'est ça. C'est son psychiatre. Bon bah je te fais des bisous en tout cas, Aude. Je te remercie d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. Ah mais pas de soucis, de toute façon j'adore vous écouter. Oh bah c'est gentil alors. Gros bisous, Aude. Est-ce que tu touches en nous écoutant des fois, Aude ? Bah certainement pas. Non, certainement pas, non. Bah, ouais. Et certainement pas en écoutant toi, j'imagine. Pardon ? Je dis certainement pas en écoutant toi, j'imagine. Ah non mais ça va pas la tête. Ah bon d'accord, ok, me voilà rassuré. Tu es une fille bien Aude, c'est bien, je te fais des bisous. Merci moi aussi. Salut, je t'embrasse, ciao à toi. Bon allez, on aura Jean-François dans quelques minutes sur Femme Radio. Et oui, mais en attendant restez bien là. Je rappelle que nous sommes tombés sur un très très bon questionnaire. Enfin oui. Enquête plutôt hein, sur internet qui disait donc que les femmes devaient dormir nues. Oui, mais c'était mieux pour leur corps, c'était mieux pour le sexe, c'était mieux pour leurs cheveux, c'est mieux pour leur peau, c'est mieux pour tout. Voilà. Et donc du coup, ben déjà on vous demandait les filles, dites-nous, tiens, est-ce que vous dormez nu ? Et surtout, est-ce que effectivement, vous vous sentez mieux dans votre peau va mieux, vos cheveux vont mieux, je vois pas le rapport, mais en tout cas c'est ce qui est dit dans l'enquête. Donc voilà, dites-nous les filles, est-ce que vous dormez nu ? Voilà, et en gros, est-ce que vous kiffez ça ? 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On fait des appels maintenant ? Allons-y. Allez, on va demander si effectivement il ou elle dorme mieux en étant nu justement, grâce au numéro que vous nous envoyez comme tous les soirs sur le mail tof doph@funradio.fr. Allez. Et ça ne décroche pas, décidément, c'est pas la soirée. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oh, dis donc. Ah, on était bien reçus là. Ah bah je pense que j'ai dû lui faire peur. Ah ben je crois ouais. Ou alors on a reconnu ta voix, c'est une auditrice. Ah peut-être. Et elle s'est dit oh putain pas lui. Oh, on a qu'à merder là. Bon attends, on le rappelle. Enfin on la rappelle. En général quand on a ça, on a le monsieur derrière. Il y a des chances. J'espère que ce sera le cas. Oui, allô ? Oui. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme mais on a été coupé, je sais pas ce qui s'est passé. Ah bon ? Oui. Allô ? Oui, bonsoir madame. Non, je m'excuse parce qu'on a été coupé. Oui, mais je ne sais pas qui vous êtes. Je m'appelle Toff, madame, et en fait, je voulais savoir si vous dormiez nu. Oh, va te faire foutre, sale con. Hein. Pourquoi vous dites ça, madame ? Allô ? Allô ? Ah, oui, ben la raconte chez nous, hein. Ouais, je crois qu'elle m'a reconnu. Je comprends pas, pourtant, c'est une question basique. Simple. Qui nécessite oui ou non. Oui, comme réponse. Mais comme d'habitude, en même temps. Hein, c'est vrai, on rappelle quand même encore un coup. Hein. Allez, on y retourne, minuit 35 sur Fun Radio. Oui, allô, oui, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai encore été coupé avec votre femme, monsieur. Ouais, vous foutez la paix. Bah oui, mais elle a pas répondu à ma question, monsieur. Ça va, merci, au revoir. Bah oui, mais attendez, ça répond pas à ma question. Pas à ma question. Allô, allô. Non, il est parti. Allô, monsieur. Non, il est parti, non, il est parti, c'est pas grave. Bon, on en fera l'autre tout à l'heure, dans moins d'une heure. Hein, les appels malveillants seront de retour. Il y a Valo qui dit, perso, je peux m'endormir n'importe où ou n'importe quand et dans n'importe quelle position, comme hier, en passant le balai. Non, mais t'es sérieux, Valo, là? Comment tu peux t'endormir sur le balai? C'est dingue. Nadia aussi qui dit, moi, c'est pareil, il faut que je sois dans le noir absolu et pas un bruit pour pouvoir dormir. Un rien me réveille, bah, on a le même problème. Et Marjolaine qui dit, mes amis me disent de moi que je fais des micro-siestes. Je suis capable de m'assoupir partout pendant une poignée de secondes, plusieurs fois par jour, mais du coup, je suis au taquet, même les lendemains de soirée. Bah, voyons ça comme un côté positif. C'est ça, justement. Je sais pas faire, moi, les micro-siestes. Non, non, si. Je sais m'endormir n'importe où, par hasard. Mais par hasard, mais pas des trucs programmés. D'accord. Ouais. Et c'est quand je veux faire ça, en fait, j'y arrive pas. Et DJ Deminou sur le Twitter aussi, Mickaël, pareil, je peux m'endormir presque partout. Le pire, c'est en jouant à la console. Ah bah oui, là, c'est sûr, tu joues à FIFA, tu t'endors en plein milieu du match. Ça peut très très mal se finir. Bah surtout, ouais. Surtout si tu joues en ligne. Ah bah surtout si tu joues en ligne, en effet. Bon, allez, restez sur Fun Radio, Jean-François, dans quelques minutes. Le gagnant ou la gagnante pour la colle. Et puis on se fait le son au cœur de la nuit, sans pub, sur Fun Radio. Mickaël No Limit avec le son de Armin Van Buren. Maintenant sur Fun Radio, c'est Ping Pong. Elle était facile, il faut le dire. Très facile. Ping-pong, donc à l'instant. C'était Armin Van Buren sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, il est minuit 40, il y a Johanna qui dit salut l'équipe, je n'écoute que vous depuis que j'ai changé de voiture et que j'ai enfin la radio. Vous me faites rire dès le matin sur la route pour aller au boulot. Bah, tant mieux, Johanna. Bah, sois la bienvenue, je te fais des gros bisous. Devers 45 qui dit moi, j'ai un de mes potes, il a réussi à s'endormir complètement en étant à l'auto-école en regardant une correction. Ah bah il commence bien le tien. Et Adrien qui dit bonsoir l'équipe, c'était à l'époque où je faisais une matinale en radio, je me suis endormi en direct à l'antenne. T'es bon toi Adrien là? Ben c'est arrivé à un grand animateur qui travaille dans cette radio. De s'endormir à l'antenne? De s'endormir à l'antenne. Ah bon? Ah oui, il y a un très grand animateur, je sais pas si on commence peut le dire. Commence par un B? Ça commence par un B, mais je sais pas si on peut le dire. Et ça finit par... C'est ça? Mais voilà, donc je... Non! Si. C'est lui qui le raconte en tout cas. Oh, c'est bon ça, putain! On va demander, tiens. Mais je sais pas bon, si. Bon, je vais pas l'appeler maintenant parce que je pense qu'il peut très mal le vivre. À une heure du mal, surtout pour lui dire ah, tu t'es endormi un matin, dis-moi, Bruno! A priori, ce qu'il raconte, personne l'avait entendu et donc du coup, c'est pas ses crèmes. Ah bon? C'est pas ses crèmes donc. Ouais. Ah d'accord, ok, bah je savais pas, tu vois, comme quoi. On fera le gainage aussi tout à l'heure, hein, et puis on va se faire la colle avec Laura maintenant, là. T'es toujours là, Laura? Oui. Bon, oui. Bon, alors, la colle depuis 23 heures, tu la répètes, et moi aussi, par la même occasion, puisque sinon personne ne la comprend. Et on va tenter de t'offrir un haut-parleur Bluetooth. Est-ce que tu sais seulement ce que c'est? Oh, ouais, je sais. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? C'est un haut-parleur sans le fil. Ouais. Et on peut écouter avec Bluetooth et tout. Avec qui? Avec Bluetooth. Bluetooth? Ouais. Un groupe. C'est pas plus qui m'a expliqué ça. C'est dance floor. Ah, c'est Bluetooth, mais ils font quoi comme style de musique? C'est du rock, la dance, du rap? Non, c'est de la dance. Ah, c'est de la dance Bluetooth. D'accord, ok, bah c'est mieux. Ouais, c'est Bluetooth. Eh non, c'est bien, très très bon groupe d'ailleurs. Vous avez découvert sur Fun. Bluetooth. Toujours. Évidemment. Il y a qui on les découvre. Laura, on va donc appeler maintenant une ou un gagnant. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et donne la bonne réponse, elle gagne, tu perds. Dans tous les autres cas, c'est toi qui gagnes le haut-parleur Bluetooth, Laura. Ouais, d'accord. Okay, allez, bah c'est parti, on y va, on appelle. Allez, hop là. On y va, il est minuit 42 sur Fun Radio. Puis on va se faire péter le son de Sander Van Doorn dans quelques minutes avec Martin Garrix. Que du hollandais là. Que de l'ami hollandais. Allô, bonjour, c'est Mickaël, tu es en direct sur Fun Radio. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Géraldine. Salut Géraldine, il y a Laura qui a une colle à te poser. Vas-y Laura. Alors qu'est-ce qui fait... Bon, t'emmerde pas, je vais la dire directement. qu'est-ce qui fait de l'ombre dans les bois sans jamais y pénétrer? C'est ça Laura? Ouais. Très bien. Pour gagner un haut-parleur quoi Laura? Un haut-parleur Fun Radio. Non. Un haut-parleur quoi? Je sais plus encore. Blue? Bluetooth. Alors, c'est quoi la réponse? Le soleil. Oui. Eh oui! Eh ben voilà, le haut-parleur Bluetooth est pour toi. Comment tu t'appelles? Rappelle-moi ton prénom, j'ai oublié. Géraldine. Géraldine, voilà Géraldine. Eh ben voilà, le haut-parleur Bluetooth est pour toi. Laura, malheureusement, bah, encore une fois, t'es passée à côté. Hein. Ouais. Bon ben, à la prochaine, Laura. Ok, ça va, à la prochaine. Bon ben, salut à toi, à bientôt, Laura. Ouais, attends. Hé, Laura, Géraldine, oui. Je te repasse Sandro au standard. Salut, Géraldine. Merci. Ciao. Laura, tu t'es déjà endormie, toi, dans un cours, dans un supermarché, dans un bar Oui, au cinéma, une fois. Ah, au cinéma, tu regardais quoi? Mais je t'en train de là, pour la première fois, un dessin animé avec la maison qui vole, là. Là-haut. Là-haut. Voilà, je t'en train de regarder ça, et puis tout d'un coup, je me suis endormi. Ah, ouais, mais bon. c'est dingue parce que moi, ni devant la télé, ni au ciné, j'arrive à m'endormir. Ah bah moi, ça m'arrive. Et une fois avant, je fréquentais un café. Maintenant, fini. Je me suis endormi sous les chaises. Mais de fatigue ou De fatigue. Ah, de fatigue, évidemment, bien sûr. D'accord, ouais. Ok, très bien. Bon, ben merci, Laura. Hein. Dites, je voulais poser une petite question. Dis-moi. Voilà, et ils m'ont dit que les hommes plus grands, ils aiment les femmes plus petites. Qu'est-ce que c'est que cette question? Elle sort d'où là? On dirait les questions de Toff. Tu, il y a des esprits qui te parlent. Non, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Pas forcément, ça dépend. Ça dépend de la famille sur la femme sur laquelle tu tombes. Tu tombes amoureux ou amoureuse d'une. Enfin, si tu tombes amoureux d'une femme qui est plus grande, bah tu choisis pas. Enfin, mais moi, grande, petite, je m'en fous, hein, du moment qu'elle a une chatte et que je peux la fourrer. Plus grand, il aime les femmes plus petites parce qu'ils font bien l'amour. Non, ça n'a rien à voir. Non, après t'as les mecs qui alors soit t'as les filles qui trouvent qu'un mec qui est plus petit qu'elles c'est la honte, alors du coup elles aiment pas trop. Et puis t'as les mecs qui aiment pas les filles plus grandes qu'elles parce que du coup ils passent pour le petit et voilà. Mais dans l'absolu on s'en branle. Vous kiffez, voilà. Après moi, c'est tout. Moi ça me dérange pas. Hein, alors rien à foutre. Je suis jamais sorti avec une fille qui était plus grande que moi. Bah parce qu'en même temps je fais 1m78 et que c'est vrai que la majorité des filles je pense sont plutôt dans les 1m60 je crois, un truc comme ça. Moyenne, je crois. 60-65 je crois, hein, plus ou moins. Donc enfin c'est une moyenne que j'ai absolument inventée là, hein, que ce soit clair. Hein, j'ai aucune étude derrière ça. Je pense que c'est ça. Alors, attends, taille moyenne des femmes. Bon, taille moyenne des femmes. Voilà, regarde, hein, en Europe à la limite, comme ça on a un truc plus large. Alors, attends, on va directement regarder. Hein, Laura, tu restes avec nous pour cette grande question existentielle de soir là. Alors. Ah oui, c'est. Ah, c'est combien petit, hein. Ah, c'est 1m59. C'est petit une femme. Combien? Alors, attends, parce que c'est quoi? À France, voilà. Non, c'est des hommes, ça. Enfin, il dit c'est petit, il a pas de chiffre. Mais oui. Si, j'ai le chiffre parce que je viens de le voir. C'est tof. Non, mais je viens c'est de voir. Petit. Attends, je trouve le chiffre. Ah, mais c'est petit. Je veux te donner le chiffre exact. Oui, je bah alors pas vas-y. Te donner une fourchette, 1m61. Eh ben, c'est ce que j'ai dit, hein. 60-65, c'est bien ça. De toute façon, on n'a pas besoin de fourchette, on n'est pas en train de manger. Tof. C'est drôle, ça. Ça, c'est drôle. Voilà. C'est pour ça que je t'ai donné un chiffre précis. Parfait. Donc 1m61, taille moyenne des femmes. Bah voilà, Laura. Ben merci pour ta question existentielle. Ah ouais, de rien. Eh ben avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Salut Laura. Au revoir. Ciao Laura, à bientôt à Bruxelles. Oui. Ah oui, alors par contre la meuf des Pays-Bas, elle est grande, hein. Quelle taille? Elle fait 1,70 en moyenne. Ah oui, putain, quand même. Ouais, et le pays plus petit, je parie que ça doit être soit le Portugal, soit la Grèce. En Europe, hein. Parce que sinon évidemment il y a les Chinois, enfin il y a l'Asie où ils sont quand même pas très grands. Non, en Europe c'est la France. Les plus petits? Ah bon, en tout cas. Ah bon? Et en Belgique? Sur la stat que j'ai là, la Belgique, c'est 1,66. Ah ouais, les Belges sont plus grands que les Français, enfin les Françaises. Ouais, Canada 1,61 aussi, comme en France, l'Allemagne 1,66, l'Australie 1,63. Ah ouais, d'accord. Danemark 1,68, Espagne 1,64. Ah bah j'aurais pas cru, tiens. J'aurais pas cru, très bien. Finlande 1,68 aussi. Ah ouais, c'est pas mal. Dites-nous d'ailleurs. Ah si, pardon, c'est le Japon les plus petits. Ah, combien? 1,58. Ah ouais, d'accord. Bah attends, quelle taille vous faites, tiens, vous là? Je vais vous mettre le post là maintenant sur le Twitter avec le hashtag Mickaël sur Fun. Comme ça, on va vérifier si effectivement vous êtes dans la moyenne ou pas. On va balancer ça maintenant. Donc je compte sur vous avec donc le hashtag Mickaël sur Fun. Quelle taille est-ce que vous faites, garçon ou fille? On est pas dans des tailles. Polo, t'es combien toi? 1,76, je crois. D'accord. Ouais, 76. Tof? 1,80 pile. 1,80 pile. Moi, c'est 1,78. Sandro? 1m12. On t'entend pas, tu dis? 1,56. Non, mais pardon, le micro, mais il est où ton micro? Ah, 1m50. Ah oui, donc toi tu fais la moyenne, hein, pour le coup, hein, tu redescends un petit peu là. Bon, bah très bien. Alors, allez-y, je vous mets le post maintenant sur le Twitter. Allez-y, voilà, ça y est, c'est fait. Sur le Facebook, vous pouvez donner vos avis également. Il y a Valou qui dit, c'est Namour pour Namour. Je veux juste dire que je t'aime, l'homme de ma vie. Oh, et Fun, trop énorme. On vous kiffe, continuez comme ça. C'est gentil, Valou. Gros bisous à toi. Bon, bah voilà, comme ça, on en sait un petit peu plus sur la taille moyenne, a priori. 1,71 en Monténégro. Ah, quand même. Ah ouais. Ah ouais, putain. Il y a Pauline avec nous. Salut Pauline. Salut Mickaël. Tu vas bien? Ouais, très bien. Qu'est-ce qui t'amène, Pauline? Eh ben alors, moi déjà, je voulais vous dire que je vous kiffe de ouf. Oh, mais nous aussi, on te kiffe, Pauline. Que je kiffe cette radio. Et en fait, voilà, moi, je vous présente un peu mon petit projet. C'est cet été, tout le mois d'août, je pars en road trip avec deux copines. Et je veux savoir si vous étiez, si vous seriez prêts à nous sponsoriser, à nous suivre sur notre page Facebook, etc. Mais bien sûr, envoie des photos de toi et tes copines à polo@funradio.fr. C'est ça. Bien sûr, on va te donner des autocollants et tout ça. Non, mais qu'est-ce que c'est-à-dire sponsoriser? Il faut mettre de l'oseille? Non, pas du tout, pas du c'est tout. C'est quoi non, alors? Pas investir, sponsoriser, c'est-à-dire, je sais pas, nous donner des t-shirts ou même, ouais, des autocollants, des choses comme ça. Bah oui, bah ça, bien sûr, sans problème. Même qu'on donne aux gens et tout, et voilà. Évidemment. Faire... Et c'est quoi le truc, Pauline? On va faire un road trip dans toute la France, en fait. On va faire tout le tour de la France. Bah évidemment. Et vous commencez quand? On commence, bah, début août. À début août, d'accord. Et jusqu'à ouais. quand? Jusqu'à fin août. Jusqu'à fin août. Bah c'est très ouais, bien ça. On bah, fait qu'un mois mais... Bah non mais on vous prendra au téléphone de temps en temps pour voir un peu où vous êtes, ce que vous faites, etc. Ça peut être sympa ça. Qui vous avez rencontré? Voilà. C'est grand plaisir. Mais d'ailleurs combien mesures-tu Pauline? Mais oui. Et bah depuis tout à l'heure j'écoute et je crois que je suis tout en dessous de la taille moyenne. Combien? 1m59. Non, plus bas. 1m60. 58. Plus bas. 57. Plus bas. 56. Plus bas. Ah oui, enfin bon, 55. 1m40. Ouais, 1m55. Bon, 55 d'accord. et demi 54 et demi exactement. Ah ouais, d'accord, ok, t'étais déjà en train d'essayer de gratter toi. Mais combien pèses-tu Pauline? D'accord, ok, très bien, mais ça s'en fout ouais, Toff. Voilà. Non, combien pèses-tu Pauline? De quoi? Combien tu pèses? Bah c'est quoi cette question? Bah, c'est pour savoir. Bah pourquoi? C'est scientifique. C'est scientifique, c'est pour mes statistiques personnelles. C'est vrai? Je pèse ouais. 57 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90 C. Et la taille des pantalons que t'as acheté? Oui, comme c'est pas mal. Oui, c'est même très bien. Ouais. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 30-27. Qu'est-ce que c'est que ce non, chiffre? 27 taille américaine. Ouais, mais ah, American. En taille que je comprends. American size. Mais en taille qu'on comprend, 36, 38, 40, 42, ouais. 44, 46. Non, 36, 38. 36, oh 38, là. Ah bah. Oh. Bonne! Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est. Grand malade. Bah écoute, nous on sait accueillir les gens nous. Ouais, si vous avez besoin d'un soutien logistique pour vous déplacer d'un endroit à un autre cet été, je suis totalement disponible. Toff est garagiste à 16h perdues, donc si vous avez un petit problème de voiture, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. Non, bah, si écoute, vous avez besoin Pauline, d'un chauffeur. On va s'arranger pour t'envoyer un maximum de trucs qu'on a ici à la radio en stock et puis bah ouais, amusez-vous cool, bien dans votre trip. Et puis au moins vous faites votre film en même temps et ce serait cool. Mais vous passez pas sur Paris à un moment comme ça, vous pouvez venir ici avec la voiture et tout bah, et puis on habite à Paris. Ah vous ah bah très bien. Bah quand vous revenez, bah le jour du retour, hop, vous passez à la radio. Pas de souci. Vous ferez votre finale à la radio. Venez ça là. Voilà. Non, il y a pas de souci, avec grand plaisir. Et vous êtes combien à partir? Trois filles ou garçon fille? Ouais, oh là là là là là, bah Toff va se mettre au milieu. Oh là là, mais moi j'arrive. Mais vous voulez pas un mec pour vous accompagner? Non. Je fais rien, je pense qu'elles veulent pas d'emmerde en fait pendant le mois, tu vois. Je fais très bien à manger. Ouais, c'est ça. Et laissez-moi deviner, pendant le mois d'août, vous allez faire le sud, l'est, l'ouest. Ouais, enfin, on va faire vraiment tout le tour de la France. Ah ouais, donc vous allez même aller en Ardennes, Nord-Pas-de-Calais. Ouais, à peu près, ouais. À peu près, hein. Non, si, elles vont passer vite. On va passer, en fait. On va pas tout faire non plus pendant des jours, mais on va passer à peu près partout. Bon, bah, très bien. Bah, bon trip, en tout cas, c'est un bon plan, un bon délire. Bah, tenez-nous au courant. On va de toute façon prendre tes coordonnées pour essayer de t'envoyer un maximum de trucs, d'accord? Ouais, pas de souci. Bon, bah, gros bisous. Un gros bisou et juste, je peux faire une dédicace? Bah, vas-y, Pauline, à une seule personne, choisis la bonne, hein. Ok, bah je fais une dédicace à Lizini et la Chouti, mais surtout Morgan. Voilà. Très bien, tu n'as pas compris dans une personne. C'est pas grave. Oui, attention. Allez, gros bisous, je t'embrasse, Pauline, à bientôt. Salut. Ciao, à bientôt. Nous aurons dans quelques minutes Jean-François qu'on a perdu, c'est pas grave. Et je rappelle également qu'on aura les packs Wonderbox Love Papa à vous offrir uniquement pour les doux. Ouais. Pour les doux, donc qui ont moins de 15 ans, qui n'ont pas encore mué et qui n'ont pas forcément d'argent pour offrir un cadeau à papa, comme c'est la fête des pères dimanche prochain en France. Elle était dimanche dernier en Belgique. Et ben on vous offre le cadeau pack Wonderbox I Love Papa. Faut préciser que l'enfume du doux d'hier, ça marche plus, hein. Ouais, il nous avait appelé en nous faisant hey, salut, je veux qu'on va prendre mon père. Attends, papa, tu peux prendre le téléphone? Oui, Oui, allô. Avec l'accent antillais. Avec l'accent antillais. Allô, oui. Il a essayé de faire la voix de son père, c'est dramatique. Donc attention, on veut vraiment avoir le vrai papa au téléphone, que ce soit clair. Je compte sur vous. Bon, il est minuit 53 sur Fun Radio. On aura également Anthony là avec sa maison hantée. On va en parler. Flavien Hindou qui voulait parler avec nous. Et puis je vous l'avais promis, on se fait maintenant un nouveau son que vous découvrez sur Fun Radio. Et c'est normal, un peu comme le David Guetta hier qu'on vous fera encore passer tout à l'heure. Sander Van Doren et Martin Garrix, c'est avec Dubs également, hein, une petite triplette. Ça s'appelle Gold Skies. On écoute ça maintenant, minuit 53. C'est Mickaël No Limit. On est là tous les soirs jusqu'à 2h et continue à balancer vos messages avec le hashtag MIKL sur Fun. Voilà le nouveau son de Sander Van Doren à l'instant sur Fun avec Martin Garrix et Dubs. C'était tout simplement Gold Skies. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et la bonne nouvelle, c'est que vous qui attendez quelques minutes, le son que vous avez découvert hier sur Fun, on vous l'a passé toutes les heures. Et on était les premiers sur le coup, David Guetta avec Blast Half. Et qui est en passe de passer mon son préféré du moment. Et en passe de peut-être détrôner Avicii. Allez, on le passera dans quelques minutes sur Fun. Vous restez bien là, évidemment. Il est minuit 58. On va faire le gainage également dans quelques minutes. Message de Xavier, puisque je vous demandais quelle taille vous faisiez avec le hashtag MIKL sur Fun. Là, continuez à balancer vos messages sur le Twitter, sur le Facebook également. Et par SMS également. Hein. Envoyez MIKL au 64 900 avec votre message. Xavier qui dit je mesure 1m80. Alika qui dit personnellement je fais 1m71. Mais j'aime bien les hommes plus grands. Mais je suis amoureuse d'un homme qui est plus petit que moi. Ah bah, écoute, c'est pas très grave, Alika. Émeric qui dit putain, vous êtes des lins, j'ai 15 ans, je fais 1m82, j'ai pas fini de grandir. Oh. Et vrai, Émeric, je vais te dire un truc. Je connais, j'ai des potes qui sont beaucoup plus grands. Et je trouve, bon, après, Toff et Polo, on a plus ou moins la même taille, mais je trouve que j'ai quand même la taille idéale, 1m78 plus ou moins. Mais parce ouais. que t'es pas trop grand, t'es pas trop petit. Tu peux, quand tu voyages, tu peux aller dans les avions, tu peux quand même arriver à t'installer confortablement parce que t'as pas les jambes qui rentrent dans le fauteuil d'en face, t'es pas obligé de complètement de travers. Quand tu marches, tu peux rentrer dans les portes sans devoir t'abaisser. J'ai un pote qui fait 1m97 et je peux rien dire faire. C'est une vraie galère, quoi. Ouais, mais bon, après il fait 200 kilos donc bon, ça... Non, mais attends, on l'a connu, il est pas si lourd. Et même niveau vêtements, c'est une galère. Ah ouais. Il fait du 48 en paire de pompes, c'est une galère. Enfin, c'est super ouais, chiant, je trouve. Ça. Donc finalement je trouve que entre 1m75 et 1m85, je pense que c'est la taille moyenne sympa. Bah déjà 1m85 c'est déjà haut. Ouais, hein. C'est ça, déjà au-delà je pense d'1m80, déjà les avions et tout ça commence vraiment à être galère. Tu commences à culminer un peu. Lorraine qui dit moi je fais 1m54. Ingrid, on s'en fout, une fois en position horizontale, on voit pas la différence. Ah bah ça dépend hein, parce que je peux te dire que un mec qui fait 2m et une meuf qui fait 1m54, si la meuf est dessus, vous pouvez pas vous embrasser en même temps. Hein. Ah non. Ah non. C'est-à-dire que, bah oui, si ta meuf est en Amazon sur toi, donc que tu la pénètres et qu'elle est assise, si tu veux, sur toi, elle peut pas se coucher et vous pouvez pas vous rouler un pas. Bah, d'ailleurs, ça me rappelle ce même ami dont on parlait tout à l'heure, qui fait donc 1m97, qui était en train de faire l'amour avec sa meuf et donc il décide de la plaquer au mur et donc... Elle va aller rester dedans. Hein. Non, mais ouais, c'est ça. Et donc, c'est-à-dire que donc le mec... qui n'est pas, en plus pas conscient de sa force, a levé la meuf pour la mettre plus haut que sa tête. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il l'a éclaté sur le plafond. Il est un peu con aussi, ce mec. Voilà, moralité, c'est tout de même un petit peu dangereux quand même d'être grand. Voilà, donc on sait jamais. Bon, il est 1h du mat sur Fun. Continue avec le hashtag MIKL sur Fun. M-I-K-L sur Fun en un mot. Et puis, on va prendre Anthony dans quelques minutes, comme promis avec sa maison hantée. Mais les choses ne peuvent pas attendre plus longtemps, car sinon, j'ai peur qu'il s'endorme. Jean-François! Allô, MIKL? Oh, comment va Jean-François? Bien. Bah tant mieux. Il fait chaud. Ah oui, il fait chaud, t'as remarqué, mais toi t'es chaud parce que tu sais que Cristal va arriver. Oui. Eh, en plus, tu mesures combien toi Jean-François? 1m111. 1m combien? 140? 71. Ah, 71. Non, 471. 471, c'est ça? Non, 71. 1m71. Oui. Très bien, parfait. Donc 7 plus 1, quoi. Enfin, 7-1. Voilà. D'accord, ok, très bien. Bon, alors bonne nouvelle Jean-François. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jean-François, bah, vous allez certainement apprendre à le connaître très rapidement. Il est il sort avec une meuf virtuellement qui s'appelle Cristal. Ouais. C'est ça? T'as la radio allumée derrière toi, dis-moi Jean-François. Attends, je vais l'éteindre. Voilà, comme c'est d'hab. Bien. Parce comme que d'hab. La semaine dernière, c'était à fond de balle encore, là. Et on l'a une fois par semaine, et tous les. Une fois par semaine, Crystal et Vanessa, qu'on a souvent au téléphone, donc l'aide à mieux dormir, si vous voyez ce que je veux dire. Jean-François ? Oui. On lui fait son petit plaisir de la semaine. Voilà, on a Crystal avec nous. Crystal ? Allô ? Allô Crystal, comment vas-tu ? Mais ça va mon chéri. On a eu son répondeur hier, elle dormait, on l'a eu à 2h du mat là. Ah bah j'étais content, tu m'as laissé un petit message. Hein ? Non je dis tu m'as laissé un petit message. Moi ? Bah oui. Bah hier soir Jean-François. Tu te souviens pas mon chou ? Si, je m'en rappelle. Ah ouais. Bon, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Comment vas-tu Crystal ? Mais ça va mon chéri. Alors ? Je suis toute chaude, toute chaude, comment toute t'as chaude. Habillé, là ? Là ? Ouais. Là, j'ai mis mon petit string en cuir. Moi, string en cuir ? Ah oui, puis j'ai une petite nuisette en soie noire. Oh là là. Ah oui, j'aimerais bien que tu me l'arraches. Oh là là. Je voudrais que tu m'arraches ma nuisette. Tu t'arraches ? Ma nuisette, et que tu me prennes violemment contre le mur. Je te prends violemment contre le mur. Ah oui. Ah. Elle a mué, Crystal. Ah bon ? Tu trouves ? Je t'arrache ta culotte. Oh oui. Je t'arrache ta culotte. C'est une nuisette. C'est vrai. Je te fais l'amour. Oh oui, comme une chienne. Comme une chienne. Défonce-moi. Je défonce. Tu ne te rends pas compte de la différence de voix, ce moment-là. Oh oui, arrache-moi tout. On a réglé la salope, là. Prends-moi comme une grosse pute. Ah, attends, je vais mettre un peu d'aiguille sur cette pute. Oui, comme une pute. Oh oui. Comme une pute. Ah oui, force-moi. Oui. Oh. Force-moi le petit trou. Elle a vanné ça. Oui, elle est là, mais attends, parce qu'elle elle était sous la douche. D'accord. Alors t'es chaud, mon chéri. T'es chaud, ouais, j'ai chaud. Je sors de la douche. Vanessa arrive. Oui, je suis là, Jean-François. Elle est là. Je suis sous la douche, j'arrive, je suis nue. Elle se fait belle pour toi. Oh, c'est agréable. Oui, attends une seconde. Oh. Je sors de la douche, je suis complètement nue. Oh, tu me touches la queue un peu. Oh oui. Fais-la grossir. Je vais la faire grossir. Oh oui. Je vais la faire grossir. Fais-moi écouter ta bite. Je vais la faire grossir. Ma belle bite. Oh attends. Oui. Jean-François. Oui. Attends, je coupe la douche, je me rase vite fait, je me fais les aisselles et je me fais le maillot. Et les moustaches aussi. Oui, ne bouge pas. Alors, Crystal. Oui, je suis là. Tu veux pas me branler ? Oh si, je vais te branler. Je vais te lécher ton gros gland. Voilà. Je vais avaler ta bite, je vais faire une gorge profonde. Je vais faire une gorge profonde. Oui, d'accord. Ça t'exciterait que je te fasse une gorge profonde ? Oui. Oh, et si je me mettais tes couilles dans la bouche ? Oui. Ah, ça t'excite, ça ? Oui. Alors crie ton nom. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Oh, plus fort. Jean-François. Oh, plus fort encore. Jean-François. Oh là là, je mouille. Jean-François. Oui, continue. Oui, moi, je me brosse les dents. Oh, continue, fais-moi écouter ta bite. Oh, Jean-François. Oui, fais-moi écouter ta bite. Attends. Oui. Oh oui. Oh c'est bon. Oh j'adore quand tu fais aller ta bite. Oui mais crie ton nom en même temps pendant que tu te branles, c'est ce qui nous excite. Oh oui. Jean-François. Oui, fais-moi mouiller. Fais-nous écouter pendant que tu... Fais-nous écouter l'engin et crie ton nom en même temps. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Oh, oh c'est oui. Magnifique. Oh, c'est oh ça nous excite qu'il y ait une flaque en dessous. Ah merci la douche. Je suis toute mouillée. T'es là Vanessa ? Oui, je suis là, je suis toute propre et rasée de près. Qu'est-ce que tu fais de beau, t'es toute nue ? Oui, là je suis complètement nue, j'ai même pas encore eu le temps de mettre ma nuisette. Attends, on a le doigt. Oh, ah, mais c'est déjà fait, tu sais. Il est là, je l'ai enfoncé profondément, j'ai mis les deux plus grands. Oui. Et tu sais qu'elle peut en mettre trois ? Trois ou quatre, même. Trois ou quatre ? Oui, complètement. Tu sais, je fais de la place, je fais de la place comme quand tu vas venir avec ta grosse bite. Comment ? Dans ta chatte. Ah, Ah oui. Ah oui. C'est pour ça, j'ai déjà tout préparé. Oh, m'excité. Je t'attends, je suis à quatre pattes, là, tu peux venir. Oui. Oh oui, viens. Mais je viens nous défoncer. Je suis complètement nue. Crie ton nom. Crie-le bien fort. Encore. Plus fort. Encore. Plus fort. Plus fort. Vas-y. Jean-François. Encore. Jean-François. Allez, encore. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Encore. Encore. Jean-François. Encore. Jean-François. Continue. Jean-François. Est-ce que t'es tout dur, Jean-François? T'es tout dur? Non, toi. Moi pas, mais toi. Hein? Est-ce que tu es tout dur? Oui, à peu près. À peu près, mais continue alors. Fais-nous écouter. Écris ton nom. Très fort. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Oh là là. Quelle horreur. Oh, continue. Continue. T'aimes bien? Hein? Est-ce que tu aimes bien? Oui, j'aime bien. Oh, continue, alors, continue encore. Il fait chaud, il fait chaud. Ah, il fait encore chaud, on est chaude, tout le monde est chaud. Oui. On attend que toi. Allez, on attend que toi. Vas-y, oui. Fais-nous jouir. Vas-y. Ah, moi je vais jouir là, je vais jouir. Vas-y. C'est ton jouis, nom. Je jouis. Ça y est. Oui, j'ai joué. Oh, c'est toi. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et l'avantage avec Jean-François, c'est qu'une fois qu'il a joué, hop, après il va dans dodo et il dort comme un petit ange. Eh ben voilà, là, il va dort parfaitement bien. Mais oui. Tiens, il y a Nitral qui dit I'm dead in my bed. J'imagine le couple qui tire leur coup et qui, sans faire exprès, allume la radio et tombe sur ça. Oui, c'est sûr. Ness qui dit putain, c'est dégueulasse. Damien, il est en train de me tuer le JF. Il y a Jimmy aussi, alias Besnard, sur le Twitter qui dit sont sérieux là, il me tue, il capte rien, Jean-François. Ah si, il est au taquet. Hein. Enola aussi, mort de rire le JF. Là, c'est parti de chauffage, jouissance et plaisir sur Fun Radio pour Fredes 34. Et alors, Jean-Pascal. Elle aussi, on s'ennuie pas avec JF, un vrai pervers. Oh, il sait ce qu'il veut en tout cas. Voilà, ouais. Je pense que tout est dit. 1h08 sur Fun Radio, promis, juste après, on récupère Anthony avec sa maison hantée. On aura Coco également. Et puis, vous toutes et vous tous en direct avec le hashtag Mickaël sur Fun. On est là jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Je l'avais promis, David Guetta, le nouveau son de Fun Radio qu'on vous a fait découvrir avant toutes les autres radios. Et oui, pendant qu'il y en a encore qui sont en train de vous faire découvrir Love Is Gone, on est un peu plus loin, hein, légèrement en avance. On écoute Blast Off maintenant sur Fun. This is the Blast Off. Le son de David Guetta à l'instant, c'était Blast Off sur Fun Radio. Il est 1h12 sur Fun, bienvenue à tous. Il y a Yomiko qui dit putain les mecs, vous êtes les meilleures découvertes de Jean-François. Donc pour mon petit frère qui s'est tapé une putaine de barre, vous venez de gagner un nouvel auditeur. Bah, bienvenue à toi le petit frère. Jérémy aussi, une pensée pour ceux qui tombent sur Fun pour découvrir l'émission. Vont être déçus, morts de rire. Vont pas être déçus plutôt, c'est sûr. C'est Jérémy qui avait envoyé le message. Mort de rire pour Benji. Il y a Quentin qui dit 2m16, pointure 50. Oh la violence. Et Loïc qui dit 1m85 pour moi, je trouve que je suis déjà trop grand. Bah ouais, c'est déjà pas mal, hein, 1m85. Max qui dit également, là, je pourrais mais ça, avoir un message de bienvenue, je vous écoute depuis un petit moment maintenant, avec plaisir. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Bon, et dans un quart d'heure sur Fun Radio, on aura les appels malveillants, justement, puisqu'on en parlait. On va d'abord prendre Anthony maintenant de Courcelles. T'es là, Anthony? Ouais, ouais, toujours. Mais ils s'appellent tous Anthony dans la région de Charleroi, c'est dingue ça. Tous ceux qu'on a de Charleroi, ils s'appellent Anthony. C'est dingue, hein? Non, c'est possible. Ouais. Mais tous. Bon, Anthony, bah, bienvenue à toi, du coup, hein. Bienvenue à toi sur Fun Radio. Okay. Alors, toi, tu nous appelles parce que tu parlais de maison hantée, toi. Explique-nous un petit peu, là. Bah, en fait, avec mon cousin et tout, on avait vu sur Facebook une rumeur qu'on avait une maison en Châtelet. Ouais. Et donc, on a décidé d'aller voir. Il y avait des gens qui parlaient, ouais, on va aller, il n'y a personne des amis. Et donc, on est parti à 4 avec ma soeur, ma demi-soeur, mon cousin et moi. On arrive dans la maison, on commence à entendre des bruits, tout. Et avant de rentrer, j'ai pris quelques photos avec mon GSM. Ouais. Pour immortaliser le moment, on va dire. Et on rentre, et on commence à monter au premier étage, on entend plein de bruits. On est descendu 4-5 fois tellement qu'on avait peur. Mm-hmm. Et en fait, quand je suis rentré au soir, on a analysé les photos un peu plus. Quoi, et on a découvert qu'il y avait un genre de... On va dire un esprit, allait. Sur la photo, en fait. Un esprit sur la photo ? Ouais, ouais. Donc, c'est-à-dire un esprit ? Comment tu peux voir un esprit sur la photo ? Un fantôme, tu veux dire ? Bah, Ouais, je sais pas, c'était une tache blanche près de l'escalier, on voyait la tête et tout, en fait, moi, j'ai modifié la photo, en fait, pour dire d'avoir mettre plus de contraste, etc., et en fait, il y a la tête qui est apparue, en fait. Ah oui, c'est la photo que t'as envoyée à Tof. Ouais, ouais, j'ai envoyé 5-4 photos. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, je l'ai vu. Attendez, je vais vous la mettre sur le Facebook de l'émission et sur le Twitter, là. Allez la voir, je vous la mets maintenant. Attendez deux secondes. Je vous la mets maintenant, voilà. Ah oui, c'est l'espèce d'ombre blanche qu'on voit. Enfin, ombre, ouais, on dirait un bonhomme blanc, une bonne femme, ou je pense bien, dans le fond, là. Mais attends, attendez. C'est une femme, je suis pas sûr. De quoi? Bah, je sais pas, ouais. Attends une seconde, je suis en train de la poster, là, maintenant. Voilà, ça y est. Bon, allez voir, donnez vos avis. Est-ce que vous avez déjà vu ça ou un truc comme ça, justement? N'hésitez pas à nous dire, là, facebook.com/mikaelofficiel. Ou alors vous abonnez sur le Twitter, vous tapez mikael_officiel, ajoutez-moi. Et puis, bah, je vous ajouterai également. Et puis, comme ça, vous verrez la photo, justement, donc, de ce fantôme, hein, on va dire ça comme ça. C'est un fantôme, hein, dans l'idée. A priori, c'est ça, c'est un fantôme. Ouais, parce qu'après, mon cousin, avant de partir, il a vu quelque chose passer, un nom blanc passer. Bon, moi, je ne croyais pas fort au début. Après, il me l'a juré et tout. Après, on est sorti. Après, on n'est plus rentré. Et aujourd'hui, bah, j'ai passé ma journée dans la maison, en fait. Mais t'es ouf, toi. Ah, mais toi, t'es un dingue, toi. T'as pas autre chose à faire. Non, franchement, j'avais rien à faire. J'ai pas été à l'école, donc j'ai décidé de partir avec moi et un pote à moi et mon cousin. Après, il y a ma soeur. C'est tout qui sont arrivés. Et donc, on est resté dans la maison. On est monté jusqu'au dernier étage, au grenier. Apparemment, il y avait un mec qui s'était pendu là. Oh! Ah, bah c'est sympa, dis donc! Oh, ouais, c'est sympa chez toi, hein! Enfin, dans la maison, là! Et donc, la maison a pris feu, donc d'où l'escalier, donc c'était pas terrible non plus, parce que moi, bon, ça sent que la maison a brûlé, ça pouvait s'effondrer à tout moment. Ouais. Et après, bah, on a passé la journée là, avec tout le monde, il y avait les petits qui venaient voir, on leur a fait peur, deux, trois trucs comme ça, quand même. Parce que bon, ils étaient là aussi curieux de savoir ce qui s'était passé. Donc, voilà. Mais comment franchement, après, je crois pas forcément aux esprits, tout le bordel, mais malgré tout, si je vois une maison un peu glauque et tout ça, ça fait j'y vais pas volontairement, quoi, mais tu vois. Oui. Bah, moi, c'est pas ça. Enfin, j'y crois un peu quand même, parce que, on avait déjà fait des jeux avant avec des amis, etc., pour ça. Et donc, j'y croyais, mais bon, je voulais avoir une preuve, on va dire, de ce que j'avançais, en fait. Ouais, ouais, non, d'accord. Il y a Benjamin qui dit, putain, ça fait flipper, sérieux. Bah oui, bah allez voir la vidéo, allez voir la photo surtout. Tapez Mikael officiel. Ouais, ouais, j'en ai mis une parce que je vais pas en mettre 15 000, mais grosso modo, c'est un peu les mêmes, quoi. Ouais, mais c'est la seule que j'ai prise moi, c'est celle qui est entourée noire, mais en fait, c'est gris à l'intérieur. En fait, ils m'ont modifié la photo pour voir mieux, en fait. D'accord, ok, bon bah très bien, bah comme ça. Bon, déjà allez voir celle-là, hein, ça vous donnera déjà une petite idée en l'occurrence. Donc Mikael officiel sur le Facebook, et puis bah dites-nous si vous avez déjà vu ça justement ou pas. Il y a Camillo qui dit moi je dis que la photo elle est truquée. Bah oui, parce qu'il l'a modifié un peu, il a modifié le contraste pour que le. Non, pas celle-là, non. Ah celle-là elle est pas modifiée. Celle que j'ai mise sur le Facebook, elle est pas modifiée. Non, mais en fait je sais pas modifier parce que moi je suis avec mon GSM, donc ouais, bah, justement. Avec un iPhone, donc je sais pas modifier une photo à part la contraste, la chaleur, etc. C'est tout. Oui, oui, c'est ça. Oui, non, mais quand je dis modifier, c'est ce que je voulais dire. Hein. C'est en mettant effectivement plus de contraste ou de lumière ou je sais pas quoi là. Bon, donc allez voir, donnez vos avis. facebook.com/mikaelofficiel. Il y a Drakit qui dit j'aime pas voir ce type de photo à 7h. Ça me fait flipper quand je suis dans le noir. Ben, allume la lumière, Drakit. Qui t'arrive en même temps là. Voyons. On est là, nous, hein. Mais oui, on va vous protéger. Mais vous voilà, pas. Et oui. Que les doigts aillent dormir d'ailleurs. Hein. J'espère, direct, j'espère d'ailleurs qu'ils ont été dormir et qu'ils n'ont pas écouté Jean-François. Ouais. J'espère, les doux. Bon, reste avec nous, Anthony. On va voir s'il y en a qui ont déjà eu ça et puis on va te reprendre après. Il y a moyen de passer un big up ou quoi? Tu vas faire ça dans quelques minutes. On te dit pas au revoir. Tu reviens, bouge pas. Ouais, ça va, ok. Bon, bah bouge pas de là, Anthony. Reste avec nous. On va prendre Laurine avec nous également maintenant de Rennes là. Salut Laurine. Salut. Comment ça va, la douce? Bien. Bon, tiens, il y a Camille avec un K qui dit putain, je déteste quand vous parlez de ça, je vous déteste, voilà. Oh, Camille avec un K là. Mais en même temps, vous venez parler de ce que vous voulez, hein. Évidemment, ça peut arriver que ça parle de ça, justement, tiens. Il y a un message de Benjamin qui dit fallait pas y aller, ou avec du gros sel, de l'eau bénite et quoi? Et Sam et Dean Winchester. Bah, bien sûr, évidemment, il fallait avec tout ça, bien entendu. Bon, alors, toi, tu voulais gagner le pack I Love Papa, le pack Wonderbox, c'est ça? Oui. Très bien, donc toi tu es une douce, quel âge as-tu? 13 ans. Quel était le cadeau que t'as offert à papa l'année dernière? J'en ai pas offert. Ah, t'avais pas offert? Quelle radine alors, c'est dingue. C'est honteux. Oh là là, le pauvre daron là, il est là, il fait le maximum pour toi, même pas un cadeau pour la fête des pères. Tu lui as souhaité au moins? Bah oui, sinon Bon. Bah quand même, on sait jamais, on sait jamais. Bon, du coup, on va te filer peut-être un pack Wonderbox I Love Papa. Pour ça, il faut que tu nous passes papa afin de voir déjà qu'est-ce que tu fous debout à 1h19 du matin en tant que douce. Je vais être réveillée alors. Ah bah parfait, c'est encore mieux. Mais en fait, comme j'ai peur du noir et que j'ai traversé toute ma maison, en plus que vous venez de raconter. Oh mais qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? T'inquiète. J'ai entendu un bruit là, non? On dirait. Laurine, est-ce que tu crois que quand Jean-François sera mort, il va hanter sa maison? Je sais pas. Et en disant Jean-François. Laurine. Laurine. Je vous passe mon papa. Parfait, comment il s'appelle? Marc. Marc, très bien, passe-nous Marc. Il s'adore là, je pense. Oui, ça dormait bien. Oui, allô Marc? Oui. Ça va Marc? Oui, ça va, je me réveille, oui. Bah dites-moi la petite debout à 1h20 là, c'est pas sérieux ça quand même. Elle va être couchée pourtant. Ah, elle devrait dormir, on est bien d'accord. Ah bah oui, c'est exact. Est-ce qu'elle va être punie? Non, non. Ah si, c'est pas grave. Ah si, il faut la punir. Ah bon, il faut la punir. Au moins écrire, je ne dois pas rester debout jusqu'à cette heure 6000 fois. Ah ouais, faut écrire 1000 fois pour pouvoir rester debout à cette heure-ci. Voilà. Mais... ça me paraît pas mal. Bon, ah, Marc. Sûr. Oui. C'est Mickaël, vous êtes en direct à la radio sur Fun. Ah bon? Eh ben oui. Et ben elle appelait parce que vous savez que c'est la fête des pères dimanche. Oui, c'était. Et ben voilà. Et l'année dernière, elle nous a dit qu'elle avait rien offert. Oui. Eh ben bravo. Eh ben, voilà. C'est scandaleux. Quelle fille modèle. Bon, ouais. Et donc du coup, vu qu'elle est toute petite encore, enfin hein, bon, qu'elle a pas beaucoup d'oseille quoi. Ouais. Du coup, on va lui offrir un cadeau pour vous, les packs Wonderbox I Love Papa. Comme ça, vous allez pouvoir même tester une Lamborghini en vrai. C'est la classe, non? Ah ouais, là dis donc. Ouais, ah c'est... ouais. Vous avez quoi comme voiture là? Qui moi, j'ai un Espace. Ah oui, bah ça va vous changer, hein. Entre la Espace avec 3 chevaux et la Lamborghini qui en a 500, je peux vous dire qu'effectivement ça va changer un petit peu là, effectivement. Ouais. Ça va décoiffer. Ah, je confirme. Bon, en tout cas, il y a plein de trucs. Vous allez pouvoir choisir plein de comment on appelle ça, plein d'activités, exactement. Oui, avec le pack Wonderbox I Love Papa. Bon, ben Marc, bonne fin de nuit. Hein. Merci beaucoup. Le réveil sonne à quelle heure tout à l'heure? 6h. Oh, ça va. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est quand il reste encore autant d'heures, du coup on se rendort cool. Ouais, cool, on se dit pas qu'on s'est réveillé pour rien. Voilà, tu dis effectivement, ouais. Bon ben Marc, bonne nuit, hein, repassez-moi la petite. Merci. D'accord, je repasse. Au revoir. Il est cool hein Marc. Bon Laurine. Oui. Bon t'as un cool papa, hein. Franchement moi je te remets une patate. Ah grave, grave, grave. Bon ben Laurine, on va te prendre tes coordonnées, on va t'envoyer le pack pour papa, d'accord? D'accord. Salut Laurine, gros bisous. Salut. Allez, je t'embrasse, ciao à toi Laurine. On aura Coco aussi dans quelques minutes là, qui nous appelle de Paris, qui va nous raconter la suite de ses aventures avec son club échangiste, son cuir, etc, etc, etc. Et puis on va se faire le son de Dioro maintenant sur Fun. Dioro avec 5 Hours. Il est 1h22, on est au cœur de la nuit sans pub. Il y a Marjolaine qui, vu la qualité des photos, c'est un peu dur de donner un avis. Ça peut être un reflet de n'importe quoi. Ouais, effectivement. Bah donnez vos avis sur le fantôme, j'ai mis la photo sur le Facebook, tapez Mickaël officiel sur Facebook. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et il est 1h25 sur Fun, il y a Valou qui dit je ne crois pas aux fantômes, mais d'en parler, de voir la photo, ça me fait flipper. Du coup, j'ai allumé la lampe. Ouais, t'as bien raison Valou. Marjolaine aussi, vu la qualité de la photo, c'est dur de donner un avis. Il y a Jean-Pascal aussi. Et oui, cela existe, moi j'ai déjà vu pire. Et ça vous arrache les cheveux. Bah balance des infos là Jean-Pascal, là. Tu fais un petit teasing et puis tu donnes pas plus d'infos là. Mister Steven également, qui dit ah oui, elle est bizarre cette photo, j'aurais vu ça en vrai, je crois que j'aurais quand même bien flippé. Et Bully Bill qui dit demain je passe mon histoire des arts, je peux avoir un petit message de soutien? Bien sûr Bully Bill, avec plaisir. Tu viens, je te sperme moi au visage. Voilà, allez hop, bonne chance à toi. Bon, en parlant des appels des messages de bienvenue. On va se faire les appels malveillants là, la suite et la fin là pour aujourd'hui. Ah oui, allons-y. Et après on récupérera Anthony, Harmony également, qui voulait donner son avis par rapport à Anthony qui a vu un fantôme. J'ai mis la photo du fantôme qu'il a vu sur le Facebook de l'émission. Donc allez voir et donnez vos avis. Qu'en pensez-vous? MIKL officiel sur le Facebook, MIKL underscore officiel sur le Twitter. J'attends tous vos messages. Et si vous tweetez, bah, vous mettez le hashtag MIKL sur Fun, bien entendu. Juste avant de faire les appels malveillants, peut-être un petit point top tweetos. Mais bien sûr, avec plaisir. On fera la finale dans 30 minutes, là, un peu plus de 30 minutes. Et je rappelle que bah, ceux qui auront bien tweeté avec le hashtag MIKL sur Fun, eh bien, repartiront avec un magnifique sextoy d'une valeur de 100 euros quasiment, offert par passagedudésir.fr. Sauf ceux qui sont mineurs, bien entendu. Évidemment. Ils partiront avec autre chose. Bon, on y va. Quel est le numéro 5? Guillaume. Numéro 4. Cédric. Numéro 3. Corentin. Numéro 2. Vladimir Poutine. Évidemment. Et numéro 1. Benjamin. Benjamin, très bien. Pour l'instant, c'est comme ça. Il reste 30 minutes pour faire changer les choses. Si vous voulez tenter votre chance, bah, pas compliqué. Hein. Si vous êtes sur Twitter, vous mettez le hashtag MIKL sur Fun. Vous mettez votre message et puis vous postez un maximum de messages. Voilà, tout simplement. Faites pas du flood pour faire du flood. Hein. Mettez des vrais messages, quoi. Voilà. Bonne chance tout le monde. 1h27. C'est parti. On y va. On appelle le dernier de la journée. Grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Allez, ça décroche pas. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oula. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous dormiez nu, madame. Mais quoi, nu ou quoi ? Mais pas du tout, madame, pourquoi vous dites ça ? Oh, c'est... Le mec il me dit bonsoir madame, je vous appelle pour savoir si vous dormiez nu. Oui c'est ça. Il y a un manque. Mais non pas du tout, ça n'a rien à voir madame. Non mais vous avez rien d'autre à faire? Non. Que de faire chier les gens à sortir? Mais je vais pas me déconner. Mais je vais pas vous faire chier madame, c'est parce que c'est pour vous en fait. C'est pour votre santé. Il est débile. Mais non madame, j'essaie mais de vous expliquer. Il est niqué du cerveau, mais je te jure, mais les gens ils sont niqués du cerveau. Mais pas du tout madame, il paraît que c'est très bon pour les femmes de dormir nu. Mais il est dingue. Mais non, pas du tout, madame. Non, mais c'est une plaisanterie, c'est une caméra cachée, c'est quoi? Ah non, pas du tout, madame, c'est très sérieux. Non, pas du tout, madame. Les femmes qui dorment nues se portent beaucoup mieux que les femmes qui dorment... Vous avez besoin d'un psychologue? Non, pourquoi vous dites ça, madame? Je comprends pas. Ah ben, parce que à mon avis, vous avez un grave souci. Mais bon, je peux rien faire pour vous parce que ça relève de l'hôpital psychiatrique. Hein. Ah, vous pensez? Ah non, je pense pas, j'en suis sûre. Ah, il est dingue, il est niqué du cerveau, le mec. Mais vous pensez que je dois consulter, madame? Le gamin, il a rien d'autre à faire. Ben, non, mais t'as quel âge? Mais sans déconner, t'as quel âge? 34 bientôt. Ben 34, ben putain. Ben quoi? C'est grave. Mais qu'est-ce qui est grave, madame? Je comprends pas. D'emmerder les gens à cette heure-ci et leur poser des questions débiles. Mais je vous emmerde pas, madame. J'essaie de vous faire prendre conscience qu'il faut que vous dormiez nu. Mais oui, vous m'emmerdez. Et je dors comme j'ai envie de dormir. Mais oui, mais c'est meilleur pour votre santé si vous dormez nu, madame. Non, mais tu l'entends? Il me dit c'est meilleur pour votre santé si vous dormez nu. Mais oui, madame, il y a des études scientifiques qui l'ont prouvé. Je sais pas, il a un problème, peut-être qu'il veut baiser, peut-être. Ah non, pas du tout, madame, rien de sexuel entre nous, hein. Ah non, pas ça entre nous, madame. Rien de sexuel entre nous, il veut dire. Non, je vous préviens juste, madame, par gentillesse. C'est dommage, parce que 34 ans, tu vois, il a une voix charmante, mais il est fou. C'est fou furieux. Oh là, son téléphone de merde. Ah bah dites pas ça, madame, ça va m'exciter. Par contre, si vous voulez pas vous dormir nu, faites au moins un truc pour moi. Changez de téléphone. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment pourri, celui-là. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Voilà, bah, je suis heureux que vous le reconnaissiez. Et faites pareil, dormez nu, vous verrez, vous porterez beaucoup mieux. Non, mais vous êtes malade, mais sans déconner, vous êtes fou. Mais non, pas du tout, madame. À cette heure-ci, vous avez pas honte, vous avez 34 ans en plus, mais c'est dramatique. Mais non, madame, c'est pour votre bonheur, c'est pour votre bien, vous me remercierez, même si vous savez pas qui je suis. Pour votre bonheur, pour votre bien, vous me remercierez, mais c'est pas sur qui il tombe, lui. C'est une dingue. Mais non, madame. Bon, allez, on va se souhaiter une bonne nuit. Voilà. Ah oui, bah là c'était une bonne nuit là pour le coup, là c'était radical. Oui, c'était cash. Elle avait son téléphone, j'avais envie de lui mettre une patate. Une horreur. Une horreur. On en fera d'autres, des appels malveillants évidemment dès demain. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer à Tof, n'hésitez pas. toph@funradio.fr, il y a de la place. Toujours. Voilà, il y a Wendy qui dit aussi sur le Twitter, on parle de fantômes, il commence à y avoir des éclairs à ma fenêtre, super. Oh ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Donc Tof n'arrive pas. Oui. Ah oui, t'as c'est carrément grave. Ouais. Fredes 34, ça me donne des frissons l'histoire du fantôme là. Bon bah justement on va le récupérer le fantôme là. Anthony t'es là? Ouais toujours. Bon très bien. Il y a Harmony qui est avec nous, 19 ans à Tours. Salut Harmony. Salut, comment ça va? Très bien, et vous? Bah super, bienvenue à toi, Harmonie. Alors, toi, tu voulais réagir par rapport au fantôme, la photo d'Anthony que j'ai mis sur le Facebook et le Twitter de l'émission en tapant M.I.K.L. officiel. Continuez d'ailleurs de donner vos avis sur le Facebook et le Twitter. Et donc, qu'est-ce que tu voulais dire, toi, Harmonie? Bienvenue. Bah, merci. Bah, moi, je voulais réagir parce que déjà, pour sa photo, moi, j'y crois énormément. Parce qu'il m'arrivait aussi des choses un peu spéciales, donc je sais pas si vous voulez que je vous raconte une petite... Non, on s'en branle. Non, mais vas-y, bien sûr. Je rigole, vas-y. Bah, je voulais raconter qu'en fait, moi, j'ai vu la Dame Blanche, carrément. Ouais. Oh, oui. Et donc, ça m'a fait très drôle. Au début, je pensais que c'était mon imagination. Je suis rentrée chez moi en panique, en pleurs. Je me suis mise à pleurer. Bref, la totale. D'accord. Mon beau-père m'a conseillé d'aller porter un cierge à l'église le lendemain. Ouais. Chose que j'ai totalement refusé de faire et que mon Dieu que j'aurais dû le faire. Parce que le lendemain, donc ma maman a pris la voiture, elle a attrapé un accident. Le lendemain d'après, c'est mon frère qui a attrapé un accident de voiture. Attends, elle a eu avec la même, mais grave ou Non, pas très grave, ah, juste bon. Des bings en fait. Ah oui, et d'accord, puis ok. Le second, le troisième jour, c'était moi qui a attrapé un accident après. Moi, tu sais, alors tu vas te dire, ok, c'est vrai, il y a quand même eu ça, etc. Moi, je pense que après la première fois, je crois. Hein, après, je dis pas que c'est vrai, hein, c'est juste mon avis. Je pense que le premier accident de ta mère, ça doit être dû au pas de bol. Ensuite, non mais je pense. Attends, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi donner mon avis. Ensuite, t'as eu le frère a appris ça, tout le bordel. Du coup, il s'est, je vais pas dire qu'il a fait exprès, mais involontairement, il l'a peut-être fait exprès. Et du coup, toi aussi. C'est un peu comme chez une voyante qui va dire, oui, je vois que, eh bien, demain vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou vous allez peut-être trouver du travail. Alors, si tu fais la démarche d'ouvrir les petites annonces et d'appeler les gens pour trouver du travail, eh ben effectivement, tu risques d'en trouver. Mais si tu restes chez toi, t'en trouveras pas. Ou les voyantes qui disent, je vois que tu vas réussir ton année. Alors, il y en a plein qui vont se dire, oh ben pépère, je fous plus rien. Sauf qu'ils vont pas la réussir par miracle, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est peut-être un petit peu voulu involontairement. On te dérange pas, Anthony? Non, j'écoute. Ah, d'accord. Mais vraiment. Je regardais un peu les commentaires sur Facebook, Photoshop. Oui, normal, c'est normal qu'il y en a qui le disent. Tu disais, Harmonie, vas-y, continue. Après, moi, quand je vous dis que j'ai vu la Dame Blanche, j'étais en scout, et j'ai vu le truc, en fait, traverser des barrières en ferraille, en fait. Je l'ai carrément vu traverser, s'arrêter en plein milieu de ma voie, et s'arrêter, en fait, stagner. Donc, moi, j'ai filé un grand coup, j'ai attendu, et le truc est reparti, donc, sens inverse, il a tracé. Et donc moi, bah, j'ai avancé, je suis rentrée chez moi. Mais mon frère, je ne l'ai pas du tout tenu au courant parce qu'il n'était pas chez moi ce soir-là. Donc d'accord. Il n'était pas au courant. Il était au courant qu'après que l'accident soit passé. Mais il m'est arrivé, je me stresse de combien de fois des trucs comme ça, quoi. D'accord. Là, c'est juste une petite parenthèse, vraiment, c'est le truc... Non mais voilà, après, je comprends que ça foute les boules, hein, mais... Je sais pas, j'ai du mal à imaginer qu'un truc comme ça puisse, tu sais, foutre le bordel dans chez plusieurs personnes, etc. Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis trop fermé. Ça touche trois personnes en fait de ton entourage que tu aimes le plus. Après, moi, je sais que ça, bon, c'est un truc, je l'ai un peu oublié au fur et à mesure. Mais quand tu en pleine nuit, t'as les miroirs qui tombent, que ta mère te réveille, te demande ce qui se passe, t'as qu'un seul miroir qui reste debout. Et c'est celui qui est juste en face de toi, pile en milieu de ta tête. C'est comme si en fait t'avais jeté une pierre dans le miroir. Tu vois, ça a fait un trou avec plein de trucs autour. Ouais, et mais ça... c'est possible. Après, voilà, ça c'est pas explicable. Pour le coup, j'ai pas d'idée, hein, mais. Mais après, moi, c'est plein de trucs comme ça qui m'arrivaient. Et franchement, j'y crois parce que ça fait vraiment flipper, quoi. Il y a Marjolaine qui dit, la seule fois où j'ai appelé la Dame Blanche avec des potes, on s'est fait flipper avec une peluche de Kenny de South Park qui nous est tombée dessus, gros flip, mais des barres après, tu clair. Et Benjamin qui dit, ça fait peur vos histoires, sérieux. Mais non, ne vous inquiétez pas, voilà. Il y a Nicolas qui dit, c'est une ombre de la porte sur la photo d'Anthony. Thomas qui dit, l'apocalypse, j'ai plus d'électricité là. Bye à toute l'équipe, vous êtes géniaux. Ah bah, bon courage à toi Thomas, sans électricité là. Bah mets un petit feu. Hein, pour ça vous fait pépère là. Clément qui dit, je révise pour l'histoire des arts et demain, sinon je vous écoute depuis le début, pas de message de bienvenue, un petit billard d'un vieux du Carlo du début là. Ah ouais, on va te le mettre. En attendant, on va d'abord prendre un autre. Oh putain, il manquait plus que lui. Anthony de Charleroi. Ah ouais. Qui a bien sûr son avis sur tout, évidemment. Hein. Anthony de Charleroi qui est là. Oui. Qui est B. Non, pas toi Anthony, toi t'es de Courcelles. Lui c'est l'autre Anthony de Charleroi. Oui. Anthony ? Oui. Bon, qui est donc gay, bi ou hétéro curieux. Et voilà. Fossoyeur à des temps. Et futur fossoyeur. Il a pour passion de nettoyer les pierres tombales. Exactement. Bon, Anthony, quel est ton avis sur, sur ce sujet épineux, ben, ce sujet épineux. Perso, j'y crois. Anthony, ça te dérange pas de couper la radio là, parce que j'ai l'impression d'écouter le début de l'émission là. J'étais dans la cuisine, je suis passé pour aller dans ma chambre en fait. Ah bah voilà, bah reste dans ta chambre, tant que tu vas pas dans tes chiottes, c'est le principal. Tu traverses les murs? Ouais. Comme Casper, parce que là, d'accord. Ouais, il traverse tout et il est tranquille. Alors, bon bah vas-y alors, c'est quoi ton avis Anthony? Moi j'y crois perso parce que chez moi il se passe des choses bizarres aussi le soir. Enfin, oui mais ça c'est normal hein, mais bon. Mais dans ta tête aussi il se passe des choses bizarres, non? Qu'est-ce qui se passe Anthony, dis-nous? Bah chez moi le matin quand il y a personne chez moi, j'entends une femme marcher avec des talons en bas. Enfin, Mais c'est ta mère? Non, il y a personne. Quand il y a personne, là, le matin il y a personne. Et t'entends des bruits de pas? Voilà. Et ça, quand c'est... je vois, il y a personne. Ah ça c'est improbable. Et genre ça court, ça fait comment? Ça saute? Non, c'est comme si c'était une femme qui marchait normalement, comme si elle voulait sortir quoi. Comme ça? Non. Ah pas comme ça. Comme ça? Voilà mais en moins fort quoi. En moins fort, comme ça? Ouais. Comme ça. Ou comme ça peut-être. Il fait un peu boiteux celui-là, non? Non, c'est le deuxième. Le deuxième? Ou peut-être le troisième? Il a quatre jambes celui-là. Non? C'est pas ça, non? Non, c'est celui que t'avais mis avant. C'est plutôt celui d'avant, alors, d'accord, ok, très bien. Bon, ok. Eh bien, il y a des choses effectivement très bizarres chez toi, Anthony. Hein. Oui. De là à faire un raccourci, puisque c'est Anthony de Courcelles, Anthony de Charleroi, est-ce qu'il y aurait des trucs bizarres à Charleroi en règle générale? Oui. Oui, bah, je ne me permettrai pas de faire ce raccourci. C'est un endroit maudit. Je ne me permettrai pas de faire ce raccourci. Je ne me permettrai pas. Bon, et donc toi, Harmonie, toi, il n'y a plus rien eu depuis. Hein. Ah si, si, bien sûr que si. Ah bon, bah, alors vas-y, qu'est-ce qui s'est passé encore, Harmonie? Ah bah moi, non mais, parce que quand je l'entends parler des pas, moi, c'est ça aussi, quoi. C'est que ça marche, ça courait dans ma chambre, c'est... je sentais des mains qui venaient sur mon épaule, qui me serraient en fait. Ouais, mais ça, je sentais une compression. Non, j'étais toute seule à ce moment-là. Ah oui. Non, j'étais vraiment, voilà, non, j'étais toute seule et je sentais une compression au niveau de mon épaule, ça courait dans ma chambre, j'étais vraiment moi-même, j'étais devenue bizarre. J'étais plus moi-même, je parlais à cette personne-là, je me suis renseignée, je suis rentrée en communication avec lui, je savais que c'était un homme. Chien ou pas l'appel? Non, c'est pour rire, c'est une vanne. Peut-être c'est dans le forfait. Hein. Oui, peut-être. Et il y a DJ Daminou qui dit il faut dire aux gens que la drogue, c'est pas bien, mort de rire. Oui, c'est sûr. Non, après, c'est vrai que c'est difficile de croire quand t'as pas vécu le truc. Après, si t'as vécu le machin, je peux comprendre. Donc, oui, c'est sûr. Il y a Enola, fin de radio, qui dit arrêtez, j'ai envie de faire pipi, je dois traverser tout le couloir, je vais donc attendre. Bah, tu fais bien, on sait jamais. Oh, on sait jamais ce qui se passe derrière la porte. Hein. Et puis, il y avait quelqu'un aussi qui avait dit où est-ce qu'il était aussi, je sais plus. Hein. Benjamin sur le Twitter qui dit je viens d'avoir une putain de coupure de courant en plein pendant l'orage, plus vos histoires surnaturelles, vous allez me tuer. T'inquiète pas, tout va bien, on est là, nous. Mais oui, on va te protéger. Protégerons, il n'y a pas de problème. Il y a Jen aussi qui dit à Mickaël, pour un nouveau comme moi, tu pourrais passer un message de bienvenue. Oui, on va faire ça dans quelques minutes. Jen, je dois passer aussi le message de bienvenue du Carolo, justement, tiens. Bah, puisqu'on était avec notre ami Carolo, attends, je l'ai là, tiens. Ta gueule, connard, ta gueule, fils de pute. Enculé de ta mère, c'est ta mère qui a un gros clitoriste, toi. Elle t'a mis au monde, t'as un clitoriste sur ton front, connard, espèce d'enculé, Voilà, c'était sympathique, c'était gentil, c'était gratuit, c'était comme ça, c'était offert. Rappelons que cet exploit a été fait sans trucage. Voilà. Oui, sans trucage. Il a enchaîné le tout ça d'un coup. Voilà, tout ça c'était fait sans on n'a pas remonté derrière quoi. Anthony, donc encore un truc à ajouter, Anthony de Charleroi? Non, à part de ma passation de recette au sein là. Avec plaisir, je te la repasse de suite, y a pas de problème. Salut Anthony, à bientôt. Salut. Allez, ciao à toi. Bon, et du coup, Harmonie, t'as encore un truc à ajouter toi? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Eh ben, écoute, c'est bon. Très bien. Bah, écoute, je te c'est fais des gros bisous. De passer une petite dédie? Mais bien sûr, vas-y. Merci. Bah, je fais un gros bisou à mon bébé qui se trouve à Saint-Trope pour le boulot. Et ouais, pour le boulot, ouais. Bah, ça, c'est ce qu'il dit, mais. Oh, elle est bonne, celle-là. Oh, elle est bonne. Ça, c'est drôle. Il est à Saint-Trope pour le boulot. Et qu'est-ce qu'il fait? Pardon ? Qu'est-ce qu'il fait comme boulot ? Il travaille en sécurité. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Bien sûr, voilà. C'est bien. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais il en faut après tout. Hein. Bien sûr. Bien c'est sûr. S'il pouvait pas travailler en sécurité à Dunkerque, non, il fallait qu'il soit à Saint-Tropez. Où il y a toutes les bonasses. Monaco, voilà, ah bah oui, oui, oui bah bien sûr. Non, mais il est bien, il a choisi les bons endroits, il a raison, il a raison. Il a raison. Ouais, bien sûr. Bah bien oui, bien sûr. C'est normal. Bon, je te fais des gros bisous, Harmony. Merci, merci beaucoup. Salut, à bientôt, Harmony. Anthony, encore un truc à ajouter ? Ouais, ouais, encore un petit truc pour nous. Bah vas-y. Pour les gens qui passent sur Facebook, etc., s'ils veulent, ils peuvent m'ajouter, il n'y a pas de souci, il y a les vidéos, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour argumenter. Ah oui, bah, il y a du fromage ou pas ? Évidemment, ouais, non, mais voilà, donc tu mets un message sur le Facebook et puis après les gens pourront t'ajouter sans problème, quoi. Ouais, moi je l'ai mis, il n'y a pas de souci. Eh ben super. Ouais, non, mais t'inquiète pas, mais il y en a toujours qui vont critiquer, oh là là, faut pas... Oui. Ouais, c'est pas grave, hein, t'inquiète, hein, t'inquiète. Bon, ben ça roule, ouais, merci Anthony, en tout cas, à bientôt. Hein. Et moi, je pense à la dédicace. Eh ben, vas-y, il y a une seule personne, elle choisit la bonne. Une personne ? Ah, une personne, il faut choisir la meilleure de la meilleure, attention. Non, franchement, il y en a trop. Ah ouais, mais non, mais c'est une seule quand même, hein, c'est la règle. Ah, essaye de faire un groupe. Ah ouais. Oh, il y en a cinq. Ah non, une. si, ouais, c'est une. Tu trouves un dénominateur commun. Voilà, c'est ça, genre à tous mes potes, ou genre à tous ceux qui m'écoutent, ou à tous mes... Ouais, bah alors, à tous les chiens de la case de Charleroi. Voilà, voilà, bien, tu vois, bah t'as voilà. Réussi. Eh ben voilà, c'est impeccable. Bon bah salut à toi Anthony, merci d'écouter Fun, ouais. Hein, 103.5 à Charleroi. Salut à toi, à bientôt. Ouais, au revoir. Ciao Anthony, on aura Coco qui est avec nous là de Paris. Allô Coco. Bonsoir Mickaël. Comment ça va ? Ça va très très bien. Bon, tant mieux. Parce que samedi et dimanche, c'était le spectacle extraordinaire. Ah, alors, bah tu vas nous raconter ça juste après Mister Probs. D'accord. Bon, bouge pas de là, tiens, il y a un message qui, j'étais en train de vous écouter, mais obligé d'éteindre la radio, désolé. J'étais en voiture, toute seule, je devais traverser des bois, et toutes ces histoires-là, ça m'a trop fait flipper. Merde, bah du coup, on peut pas te dire que c'est fini, puisque t'as coupé la radio, ce malin. Ah bah oui, il peut pas. Ah bah oui, c'est intelligent, ah bah oui. Tiens. Il y a Mathilde qui dit, je vous en supplie, arrêtez, je balise à mort. Ouais, c'est bon, on a fini, là. Et Maëva qui dit, Mickaël, ça fait 10 minutes, je vais aller faire pipi, mais j'ai peur. En plus, ça presse, je sais pas comment je vais faire. Bah, tu peux y aller, là, Maëva, là, normalement, c'est, normalement, on a fini. Enola qui dit, j'ai réussi à traverser le couloir de la mort, pour aller pisser. Très bien. Bon, et alors, un autre message qui est arrivé de Damien qui dit, un petit message de bienvenue, s'il vous plaît, bien sûr. Je mets de l'acide dans ton cul, moi. Voilà, un petit sympathique, quoi. Allez, on se met, Mister Probs avec, Waves. Il y aura, Polo contre le reste du monde à suivre. Si vous voulez participer, bah, n'hésitez pas à vous appeler Sandro maintenant, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Polo contre le reste du monde, ce sera dans moins de 10 minutes et Mister Probs, c'est Waves maintenant sur Fun. Eh ben le son de Mister Probs à l'instant sur Fun Radio, c'était Waves, bienvenue si vous arrivez, il est 1h47, il y a Jean qui dit s'il vous plaît un petit message sale, je vous écoute depuis septembre, s'il vous plaît, vous n'avez pas encore fait. C'est vrai, eh ben on va te le faire maintenant, attends, un petit dégueulasse là, enfin dégueulasse, violent on va dire, voilà, attends. Qu'est-ce que j'ai en stock ? Ah oui, il est pas mal celui-là. Va voir ta grosse mère, elle est en train de se faire niquer dans un champ de bites, espèce de con. Voilà, tu vois, celui-là, il était sympa. Hein, ah, je l'ai hein beaucoup. Très c'est gentil. Eh oui, complètement, et ça m'étonne pas, tiens, justement. Bon, alors Coco qui est avec nous, là, qui veut nous raconter son week-end. Coco, qu'on a souvent au téléphone, qui aime bien les clubs échangistes, s'habille en cuir, etc. etc. Le fouet, eh oui, le complètement. Fils. Alors Coco, que s'est-il passé ce week-end ? Ça s'est passé très très bien. Mais j'imagine. Eh bien, j'étais avec mon ami Steven, son frère Jonathan. Et Toff, il était avec vous ou pas ? Bien sûr. Ah, Toff ? Ouais. On va l'inviter. Ah bah, oh, bah évidemment, il faut. Oui, évidemment. Il ne faut pas oublier qu'en septembre, on va tourner un film. Ah, oh là là, c'est génial. Vous l'avez dit, je crois, hein ? Peut-être, c'est possible. Ah ben, tu vois, ah ben, attends, je suis sur le lit avec les menottes, les coups de fouet, les fessées que j'ai eues. Oh là là, c'est bon. J'étais content. J'étais content parce que j'ai reçu une collègue, Clara Morgan. Ah, toi, oui. Ben, on l'a eu avant-hier, nous. Ah oui, oui. Et qu'est-ce qu'elle est venue faire là ? Comment ? Qu'est-ce qu'elle est venue faire là ? Ben, elle est venue vous voir, vous. Ah oui. Ah oui, voir, ah, oui, tu parles d'elle qui est venue nous voir avant-hier. Oui, oui. D'accord. Oui. Et aussi, j'ai rencontré Brigitte Lahaie. Brigitte Lahaie, évidemment, grande star. Ah, bah, on a déjà appris beaucoup de choses avec elle. Ah oui, bah ça m'étonne pas. Hein. Tu me fais peur. c'est des copines. Ah oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, là ? C'est ça qui nous intéresse. On a fêté l'anniversaire de pas mal de copains. Alors ce week-end, on a fait plein de jeux. Ouais. Ouais. Eh ben, des coups de fouet, des coups de ceinture. Bon, c'est l'habitude. Et à quatre pas dans toutes les positions, on m'a mis des trucs dans le cul. Là, on peut tout dire, hein. Oui, ouais, oh, bah, vas-y, t'inquiète. Sur ce Western-là, on s'en fout. Eh oui, évidemment. Voilà. Avant certains, ils ont mis des œufs dans le cul. Ouais. Ouais, plein de choses comme ça. Moi, c'était bougie. D'autres moments, c'était bon, un coup de martinet. Puis après, bon, voilà, on se fait baiser, et puis voilà. Bah oui. Ouais, donc t'as kiffé, quoi. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai une question, l'œuf cru ou cuit? Cuit. Ah, mais comment tu ça rentre? Enfin, je comprends pas. Vous mettez dans le trou de balle? Oui, c'est que c'est l'habitude. Ah bah tiens. Ah oui, c'est une question d'habitude. Et vous mangez ça, après avec un peu de sel? Ah ouais, ouais, on peut, oui. Ah oui. Putain, mais c'est fort sympathique. Ah oui, ça a l'air plutôt sympa, hein. J'ai laissé mes collègues avec ma langue de chat, alors. Ah, une langue rappeuse. Vas-y, Coco, laisse-moi. Ouais, ça a l'air, comment dire, hyper sympa. Ouais, adorable. Ah, ouais. Ah oui, oui. Et puis, il y a un client qui est venu me voir, hier, à 23h. Elle me dit, tu peux t'habiller en cuir, comme là. Oui, d'accord. Ah, il est venu. On a passé un bon moment, voilà. Ah, ouais. Ah oui. Parce qu'il ne voulait pas venir là-bas. Il dit, écoute, tu viens chez moi, vous pouvez me voir. Voilà. Et est-ce que tu as des nouvelles? Parce que tu as dit que tu devais y aller bientôt, là, au... comment on appelle ça? Le merde... Oui. La fistinière. Oui, alors, apparemment, je dois aller samedi, parce que la dame en question n'était pas là, samedi dernier. Ah, d'accord, la fistinière, alors c'est important, voilà. Je l'ai passé sur M6 il y a déjà un petit bout de temps, deux années, moment, là. Oui. Et donc, vous pouvez la retrouver sur YouTube, si vous voulez, hein, la fistinière. Allez voir, ça vaut quand même le détour. Pas si vous êtes un doux, évidemment, donc si vous êtes petit, n'y allez pas. Mais si vous êtes plus grand, vous pouvez y aller, allez voir, c'est pas porno, c'est juste bizarre, quoi. Oui. Voilà, c'est assez particulier, hein. C'est très particulier. C'est quand même difficile à soutenir. C'est difficile à soutenir, je suis plutôt d'accord. Bon, donc du coup, toi, t'as rendez-vous bientôt, alors, c'est ça? Oui, elle sera là samedi. Ah, bah nous voilà rassurés. Voilà. Bah donc, on te rappelle la semaine prochaine pour avoir des nouvelles. Oui, bah la semaine prochaine, dimanche, c'est bon, dimanche soir. Ouais. Dimanche soir, bon, bah écoute, on fera ça avec plaisir, alors, pas de problème. Oui. Ah, puis voilà, pas mal de choses à faire. Oui, à raconter surtout, hein. Ouais, c'est mon métier en plus. Oui, bah oui, c'est sûr. Tiens, il y a Nitral qui dit, Toff, pourquoi aimes-tu être attaché sur une croix? Mais parce que c'est excitant. Ah, c'est déjà fait ça. Mais ah oui, ouais, bah... ça m'étonne pas. Mais je vois pas ce qu'il y a d'excitant d'être attaché sur une croix, mais... Après, c'est des plaisirs. On aime ou on n'aime pas. Oui, bah justement, oui, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a d'excitant à être attaché sur une croix? Bah, c'est le fait que tu maîtrises pas. C'est ça qui est... Ouais, bah, par exemple, Polo attaché à une croix, je peux t'assurer qu'il deviendrait ouf. Bon, on va l'inviter. Non, c'est pas ça, je pense à l'autre qui se met des œufs dans le cul, Toff qui veut s'arracher une croix. Putain, si demain on est en guerre, on n'est pas prêt de gagner. Hein. Ah non, ça c'est clair, hein. C'est garanti. Avec des baltringues comme Toff. Ah, ça c'est pas avec ça qu'on va gagner, hein, ça c'est sûr. Moi je pars en courant. Bon, on te rappelle dimanche du coup, d'accord? D'accord. Bon, ça marche. Salut à toi, hein. Merci. Salut Coco. Au revoir. Allez, bonne bourre et sors couvert. À bientôt, oui. Coco. Ciao à toi. Avant de faire pour le contrôle du reste du monde, il y a le gainage à faire. Hein. Et dire que ce mec-là faisait de la télé avant. Qui ça? Coco. Coco. C'était une vanne, c'est pas grave. Bah, explique-la parce que pour le coup. Bah, Coé et Coco, ils faisaient la radio avant. Oh là là, le rapport. Moi, j'ai pas. Je pensais à un perroquet, mais je me dis, qu'est-ce qu'il raconte, l'autre? Il y a un perroquet qui faisait de la télé. Bon, on va se faire le gainage. Ouais. Bah allons-y. Eh ben c'est parti. Alors attention. Alors on en est où? Parce que hier c'est vrai qu'on l'a zappé. 90 hein. Toujours. Ah il faut faire 90. C'était 3 jours 90 et après je sais plus faudrait quoi je retourne. On 30. S'en fout, c'est pas grave. Restons sur 90, je pense que c'est mieux. Je crois que c'est 110 après ou 115. D'accord, ok, très bien. Bon alors on l'avait fait, on va je vais arriver dans quelques minutes là du côté du studio pour que nous puissions évidemment. Oui une seconde et une seconde. Et donc je vous rappellerai le concept, c'est le défi 30 jours sur Facebook si vous l'avez pas encore vu. Bah oui, le fameux défi hein, qu'on a mis sur la vidéo est à voir, où on est beau et demain normalement on aura celle avec Clara Morgan où on fait le gainage. On est très très beau, on est magnifique. Exactement, ce sera là demain. Bon, on a beaucoup souffert. Complètement, oui, c'est même plus que souffert d'ailleurs. Heureusement, c'était quand même plus sympa couché plutôt avec Clara Morgan. Ouais. Et d'ailleurs, en plus, on a un très beau plan de haut, donc c'est ça qui est sympa. Ah, magnifique. Donc oui. C'est là quand même que je me dis que j'ai couché avec Clara Morgan. Ouais. Non, c'est vrai. tu t'es couché à côté de Clara Morgan, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, bon, après, t'oublies une lettre, t'oublies un mot, je me suis couché ou j'ai couché. Enfin, tu vois, c'est un petit détail comme ça qui. Ouais, parce que sinon, c'était une partouze, on était là tous les trois. Hein. Ouais, non, mais ça ira. Ah, tu vois, quand je te rappelle les choses. Bon, allez, hop, on y va. Donc, on est couché dans le studio, là, c'est parti. Gueule sur le parquet, on est en mode. Bah, comme si on allait faire des pompes, en l'occurrence, hein, comme je le répète chaque soir. On fait comme si on allait faire des pompes, sauf qu'on n'en fait pas. Et donc le principe, c'est qu'on se met dans la même position que quand on fait des pompes, sauf qu'on est sur les avant-bras, coudes, et donc on doit rester en mode pompe, mais droit, sans bouger, pendant 90 secondes. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, allez, go! Oh putain, j'ai déjà mal. Putain, j'ai mal au coude, là. Alors, bonne nouvelle, on est à 5 secondes. Ouais, trop bien. C'est plutôt cool. Voilà, vous pouvez aller voir la vidéo, effectivement, elle est disponible, hein, la vidéo du tout la toute première fois quand on a fait 20 secondes. Bah, à l'époque, j'avais des petits problèmes au dos, donc... Oh putain. Non, c'est ça qui est ouf, c'est qu'avant on faisait 20 secondes, c'était horrible, là on va faire 90. Et c'est toujours horrible, hein. Oui, c'est toujours aussi horrible, hein, mais... c'est quand on va devoir faire 270. Ouais, 270. Oh, vous voulez la bonne nouvelle au niveau du timing ou pas? Non, vas-y. On est à 32 secondes. Oh là là. Donc il reste... On a fait un tir, ça va. Ouais. Oh la vache. Et moi qui ai déjà mal au dos, puisque bon, j'ai fait une petite chute il y a un mois. Oh putain, c'est horrible. 45 secondes. Je sais pas comment on va faire. Bah je sais pas non plus, mais là... Oh la vache. Hop. Bon, si vous faites ça en même temps que nous, bah bon courage, hein. Bah on pense à vous les gars. On est à 55 secondes. Oh ça va aller. Oh. Oh. Oh putain. Et donc on a toujours la gueule face au parquet. Qui a eu l'idée de faire ce truc? Bah toi. Ah merde. On est à 65 secondes. On y arrive là, péniblement, mais on y arrive. Toujours en mode pompe, sauf qu'on tient sur les coudes sans bouger, en mode tout droit. 75 secondes. Oh putain. Oh. 80 secondes. Oh là là. On y est presque. Oh putain. Oh, j'ai trop mal là. Oh, et moi. 85. Oh là là. 4, 3, 2, 1, 0. Oh putain. Oh, quelle violence. Oh, c'était violent. Putain de merde. Oh, c'était hardcore. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'était plus dur que d'habitude. Ouais, ouais, là, c'était plus dur. C'est parce qu'on a pas fait hier ça. Non, c'est parce qu'on n'est pas avec Clara Morgan. Ah, c'est ça. Et ouais, qu'il y avait une certaine motivation, on était un peu perturbés, on voyait pas le temps passer, si tu veux, en regardant sur le côté. Ouais. Donc, c'était beaucoup mieux là. Putain, l'essoufflement là. Oh là là. Oh putain, je me suis déchiré là. Bon, on est toujours couché par terre contre le parquet, on a d'ailleurs un petit peu de mal à se lever, je dois pas vous le. Polo, il a un point de côté là. Ouais, mais surtout quoi. Surtout qu'on va faire polo contre le reste du monde dans quelques secondes. Ah bah il va être bon ce soir, Je crois qu'il va être court surtout. Hein. Quelle horreur, j'ai envie de vomir. Je pense qu'il va être bien court. Ouais. C'est dingue parce qu'en fait moi ça me met une espèce de pression là au plexus solaire. Ouais, mais y a rien. Et les coudes, j'ai les coudes complètement abîmés là, il faut que je mette de la crème. C'est une horreur. Il faut qu'on essaie de se trouver des tapis, elle avait raison hein, Clara Morgan. Ouais, peut-être, des tapis, ouais. Ouais, c'est une idée, pourquoi pas. Ça va changer, c'est les abdos qui défoncent, c'est pas tant les coudes. Hein. Mais moi, c'est le dos, c'est le bas du dos qui me défonce. Moi, les abdos, c'est pas rien. Normal en fait, parce que tu rentres pas bien le ventre. Bah, pourtant, si, c'est bizarre. Moi, c'est le dos hein, qui qui prend cher. Bon, bref. Eh bah, ça me paraît pas mal ça. On va se faire polo contre le reste du monde dans quelques secondes. On va d'abord se mettre. Qu'est-ce qu'on va se mettre comme son? Tiens, Calvin Harris, tiens, maintenant avec Summer sur Fun Radio. Juste après, polo contre le reste du monde. Restez sur Fun. Il est 1h57 sur Fun. Bienvenue tout le monde si vous débarquez. When I met you in the summer. Le son de Calvin Harris à l'instant sur Fun, c'était Summer. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limite et c'est parti pour Polo Against the Rest of the World. Ouais. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Après ce petit interlude, on va commencer à Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio. Bienvenue à tout le monde. On commence tout avec Jimmy. Jimmy, je t'écoute. Ouais, hop là, Nathan, à ton tour. Allô Polo, ça va quoi? Bien et toi? Bien et toi? Alors qu'est-ce que tu racontes de beau? Rien, ça te regarde pas. Raphaël! Salut Polo! Je t'écoute Raphaël! Allô? Je t'écoute Raphaël! Polo! Raphaël! Polo! Raphaël! Bon bah Polo, tant pis. Bon bah tant pis pour toi surtout. Quentin! Allô. Quentin! Allô? Allô Quentin! Ça va? Ouais et toi? Ça va. Bon qu'est-ce que tu racontes Quentin? Ça te regarde pas non plus. Raphaël. Ouais, t'as mis trop cher. Raphaël. Comment ça va Polo? Bien et toi? Bah ça va, écoute. Qu'est-ce que tu veux? Bah t'es pas trop fatigué d'avoir fait ça. Ça te regarde pas, l'esprit. Ouais, allô. Ouais. Ouais, non, parce que j'entendais que vous parliez de moi, donc du coup, bah, je suis là, quoi. Bon, qu'est-ce que tu veux, l'esprit? Bah, moi, je veux rien, c'est vous qui vouliez savoir si on existait, bah, voilà, je suis là. Ah, moi, je t'ai rien demandé, moi, l'esprit. Bah, non, d'accord, c'était dans l'émission d'avant, mais bon, elle est finie, là, donc bon, du coup... Bon, tu gravites dans quel, sur quel, quelle dimension, là? Ah bah là je suis dans une dimension parallèle entre ici et plus tard. D'accord, bah c'est génial, reste-y. Jean. Salut Polo. Ouais Jean, je t'écoute. Ouais bah en fait j'aurais voulu lui dire félicitations parce que franchement j'ai essayé de faire vos conneries de merde d'abdominaux. Ouais. Et j'ai pas réussi. C'est pas des abdominaux, c'est du gainage. On fait pas les... Ouais mais quand tu fais gainage en fait tu travailles les abdominaux. Oui les ça je suis bon. D'accord, merci Jean. Poutine. Ah Clara Morgan, elle est bonne cette meuf hein. Bon qu'est-ce que tu veux Poutine? Je veux la baiser putain. Bah ouais. Oh, mais elle est pas là Poutine. Jimmy. Oh Polo. Ouais. Elle faisait quoi hier soir? Rien, pourquoi? C'est bon, moi le boulot t'es enculé par des mecs. Qui ça? Toi. Ah non, ça m'étonne rien. Attends. Ouais je te t'écoute. T'es vraiment une grosse boîte soda, c'est les cristals, t'as mon pote. Hein. De quoi? T'as vraiment une boîte soda, c'est les cristals. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas moi, en fait, je ne suis ni cristal ni Vanessa, mec. Ah, merde. Ah, tu te trompes, ouais. Raphaël. Moi, j'ai une question. Vous comptez lui dire ou pas à Jean-François que vous êtes pas ce qu'il pense? Ça te regarde pas, Raphaël. Raphaël, tu peux t'occuper de tes fesses une fois seulement dans ta vie? Ah, non. Alors ta gueule. Quentin. Ouais, tu ferais quoi sans nous si on participerait pas à Polo contre le reste du monde? Bah écoute, je trouverais d'autres gens. Pourquoi tu t'écris indispensable, Quentin? Bah non, mais... Ouais, personne... regarde, Quentin, regarde, hop, je t'ai raccroché à la gueule, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me taper? L'esprit? Oui, non, par contre, moi, je pourrais. Hein. De quoi? Bah, venir te taper. Non, mais ça ira, tu me fais ref, là. Jean. Ouais, bah, tu voulais trouver d'autres gens, donc moi, je suis là. Ah, c'est... oh, très drôle, ouais, Jean, magnifique. Bravo. Eh, petite applause, Poutine. Ah, il y a mon anaconda qui devient dur, là. Ah, oh. Oh, super, Poutine, bravo. Et on va faire... on va terminer avec petite conclusion de tout le monde. Allez, on y va, les gars. Serrez-vous un peu les fesses et on y va. Jimmy. Oh, Polo. Conclusion. Hey, conclusion. Je t'aime, Polo. Je te remercie, dégage. Nathan, conclusion. Polo, t'as vraiment une grosse tête de bite. C'est vrai, allez, casse-toi d'ici. Raphaël. Salut, c'est Raphaël, merci d'avoir écouté Polo contre le reste du monde. Merci à toi Raphaël, dégage quand même. Jean, conclusion s'il te plaît. Ouais, bah comme j'arrive pas à faire les abdos, ben je me mets aux abdos pro. Parfait, là... allez, ciao. Poutine, conclusion ma pote. Ma gueule, bah, pardon. Je fais une dédicace à Mystique. Ok, bah super, merci, c'est tout Poutine? C'est tout, merci, au revoir. Ouais, qui est un grand dictateur, tu peux te permettre de dire plein de choses. Ça va, t'es enculé. Avec plaisir, merci Poutine. Et puis on va conclure avec l'esprit. Ouais, non, je voulais juste te demander, tu peux dire au mec qui met la musique après, là, dans le studio, il peut mettre un peu moins fort, ça me casse les couilles la nuit, quoi. D'accord. Non, parce que moi, je reste là toute la journée, alors déjà, je les supporte toute la journée, ouais. Si tu peux baisser un peu le soir, ce serait sympa, quoi. Bon, et à pourquoi tu séjournes dans les studios, toi? Ouais, bah, en fait, non, c'est-à-dire qu'on m'a oublié dans un placard à l'époque où c'était un bordel, et depuis, bah, je reste là, quoi. Ah oui, c'est vrai, bon, merci l'esprit, bah, quand tu veux, tu reviens quand tu veux. Bah avec plaisir, j'en repasserai, hein. C'est sympa votre émission. Je te remercie, allez ciao. Ainsi se termine Polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui m'ont écouté. Et merci surtout à ceux qui ne m'écoutent pas. Pourquoi je m'en fais comme ça? Pour rien. Car grâce à vous tous les soirs. Ah, il m'a fait peur, hein. Je me dis ça y est. Car grâce à vous tous les soirs, je suis numéro 1. Et ça n'a pas de prix. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Évidemment, voilà. Quel magnifique, on dirait une pub de une pub sur de truc téléphone rose. Pour le shampoing, ouais. C'est vrai que c'est bizarre. Ah, bizarre, ouais. Bon, on va se faire le top tweetos maintenant. On va savoir qui va repartir avec ce magnifique sextoy offert par passagedudésert.fr. Bien évidemment. Pendant que, pour ceux qui s'intéressent, le match Portugal-Irlande commence. Hein. Voilà, 2h15 à 2h10 du mat, hein, mieux vaut tard que jamais. Non, parce qu'ils jouent aux États-Unis, donc comme il y a 6h de moins en attendant d'aller au Brésil. Voilà, comme il y a beaucoup de Portugais qui nous écoutent et d'Irlandais peut-être aussi, voilà, comme ça vous savez. Bon, alors numéro 5 du top tweetos, comment ça se passe? Qui est-il? Well. Mr. Steven. Numéro 3, 4, Fabien. Pardon. Fabien. Numéro 3, Nadia Le Prince. Et numéro 2, Benjamin. Et numéro 1, Vladimir Poutine, évidemment. Vladimir Poutine qui a repris sa place. Ah, mais Vladimir Poutine qui, évidemment, ne peut pas gagner puisqu'il a déjà gagné. Et oui, donc c'est Benjamin. Donc c'est Benjamin qui n'a pas encore gagné, je pense. Bah bravo à toi, Benjamin, qui, si évidemment on n'a pas moins de 18 ans, repartira avec ce magnifique sextoy qui vaut quasiment 100 euros et offert par passagedudésir.fr. Évidemment, voilà. Bon, on va se faire également le générique de fin, ce qui me paraît important quand même. Hein. Ouais. À faire, c'est parti, mesdames et messieurs, allez! Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé! Tu bourres des big toffs dessus, c'est pas l'enculé! T'es un enculeur, t'encules ton nom, t'es vraiment personne qui encule comme toi! Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé! Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé! Tu ne peux plus dormir ou bien manger, car t'encules ton nom toute la journée! En vertu de quoi vous emmerdez les gens à cette heure-ci pour savoir avoir une question aussi bête? Si tu veux, face de sodomie, ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh, moi, j'étais mort, gros pédé. Quel cochon! Que veux-tu? Ils sont canadiens. C'était une à travers les deux yeux, moi, tu vas voir. Donc, demandez que c'est qu'elle est à la lumière, ce connard. L'enculé, toi, l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Tu bouffes des pitafs, te sucer, toi, l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi, ton oncle, c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Eh ben, suce ma bite, voilà, tout simplement. Bon, eh ben, très bien. Ben, merci en tout cas d'avoir été là. Oh, déjà, 1-0 pour le Portugal, ça s'annonce parfaitement bien, ça, après la deuxième minute de jeu, on est plutôt pas mal. Bon, merci à Fabien d'avoir été connecté ce soir, Jeanne-Françoise, il y avait Ness, il y avait Mystique, Fredes 34, Nitral, il y avait Mickaël No Limit également, là. Info, bien entendu, hein, ne vous faites pas avoir, hein. Attention. Ah d'accord, c'est un enfin c'est un auditeur je veux dire, mais c'est pas mon compte, c'est ça que je voulais dire. Il y a qui également? Il y avait Fabien, je l'avais déjà dit, du coup j'ai perdu le fil maintenant, je sais plus qui j'ai dit, qui j'ai pas dit. Mister Steven également qui était là. Nadia bien entendu, il y avait Laura qui était également, Fredes 34, DJ Daminou aussi, et puis bah tous les autres, Guillaume qui était là également ce soir, Eno La Fun Radio, etc. etc. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été présent comme tous les soirs. Je vous souhaite une bonne nuit, profitez bien, Rancard demain à partir de 23h pour une nouvelle édition. Et puis bah voilà, bonne nuit à Tof, qui va faire quoi là? Il va boire son petit berlingot d'ananas citron vert. Hein. Et c'est super bon. Bah ouais, bah ouais. J'ai découvert ça tout à l'heure, c'est super bon. Et bah voilà, c'est ça. Polo qui va aller dormir. Ah ouais, je suis décédé là. Bah très bien. Je suis déjà mort en fait. Ah, le ménage nous a tué. Ouais, en plus demain on a un rencard avec Polo là, on a bouffé Karima. Ah oui, c'est. Oui. On espère, hein, on va voir quoi, on va voir comment ça va se passer. On verra. C'est dans la poche, bah on va, voilà, on va la ça. Serrer. En fait. Bah oui, ça devrait bien se passer, ouais, pas de problème. Bon allez, bonne nuit tout le monde, Sandro là, Dodo, ou qu'est-ce que tu vas faire? Pareil. Ah bah oui, mais je vais me mettre un petit doigt et puis ça va bien se passer, voilà. Hop là, comme ça elle est parfaite. Allez, bonne nuit tout le monde, regarde demain 23h, salut, ciao. 23h, 2h. Mickaël No Limit, sur Fun Radio. Fun Radio.